des suites logiques pour effectivement. Toi, t'es sacrément intelligent, Doc. Tes apprentissages. Je suis en train de te perdre, là, Doc. Non, mais tu vois, c'est comme un ordinateur. C'est comme si tu, c'est comme si tu te servais d'un ordinateur et qu'à à tout moment, t'as des données qui viennent. Qui, voilà, bon, c'est à peu près ça. Donc, il y a aussi ça qu'il faut bien intégrer. Alors, en résumé, Romain, t'es un disque dur, mon pote. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus surévaluer, surestimer l'intelligence pure, entre guillemets. Bon, pourquoi les filles sont plus intelligentes que les mecs? En tout cas, Doc est très intelligent, ça c'est sûr. Non, pas forcément, mais je pense qu'il y a des filles qui sont, à mon avis, plus sérieuses. Parce qu'on juge l'intelligence en France sur la capacité à faire des études, par exemple, ce qui n'est pas une bonne façon de faire. Après, il y a des gens qui réussissent à obligatoirement faire des études. Donc il y a aussi tout ça, il faut bien imaginer. Moi, je crois que le plus important dans la vie, c'est l'épanouissement personnel, heureux, se réaliser, bonheur, faire des choses soi-même, compassion, et non pas être et non pas être effectivement dépendant, altruisme. Voilà, la dépendance est quelque chose de terrible, c'est-à-dire que tu ne prends pas d'initiative, tu n'as pas d'imagination, tu ne fais rien, et ça c'est très chiant, parce que ça veut dire que toute ta vie tu vas être dépendant, et on en a un certain nombre dans la société française, ça c'est la réalité, qui font partie des gens pour lesquels on a beaucoup de compassion, mais qu'on n'aide pas beaucoup en les plaignant. Merci Monsieur le Président de la République. Ouais. Je suis désolé, je suis un peu long, mais il me pose la question sur l'intelligence. Je réponds. Hein. Non, mais c'est bien en plus ce que tu dis, Doc. Ouais. Non, on t'écoute, quoi. C'est pour rassurer tous ceux qui sont en échec. Voilà. Attendez, pas de panique. Même pas une merde. Aussi très intelligent. On vous a pas, voilà, vous n'avez pas suivi le cursus parce qu'au début à l'école, ça n'a pas marché. D'accord, ok. Mais il y a d'autres façons. Hugo, notre auditeur du soir. Tu l'as raté ton contrôle de maths, le dernier là que t'as fait, là. Hein? Bah, bon, avec la prof qu'on a, oui. Oui, bah, et tu sais quoi? Tu n'es pas une merde en maths. Voilà. C'est ça le constat du Doc. Voilà. Bien sûr, il y a peut-être. Avec ma science de ES, quand je suis économie sociale, j'aurais dit quasiment la même chose que Doc. Putain, bah, toi si aussi. Tu veux, pourquoi pas, oui. Bah, écoute, Hugo, on te laisse le mot de la fin sur l'intelligence entre les hommes et les filles, vas-y. Merci, bravo. Incroyable. Je pense qu'en revanche, les filles sont plus intuitives que les gars. C'est ça. C'est une évidence. Et ça, on pense plus que c'est plus attentive aussi. Plus intuitive. Elles sentent les choses mieux. Ah bah oui, elles sentent bien surtout. On les embrasse. Ah bon, je parle pas de ta tub. Mais pas du tout. Sans déconner. Attends, mais t'as les idées mal placées. C'est pas possible. Je remercie Romain. Je remercie Hugo, notre auditeur du soir. Est-ce que t'es enfin arrivé chez toi, Hugo? Oui, bah là. Bravo, Hugo, bravo. Incroyable. Un concerto d'applaudissements pour toi, Hugo. Tu reviens quand tu veux, mon poteau. Et tu repars. Ouais. Y a moyen de gratter un No Man's Sky ou un Pac Fun? Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. On va te le filer, ouais. On en aura pu offrir, mais c'est pas grave. On te donne tout, mon pote. Salut, Hugo. Salut, Hugo. Merci. Bravo pour tout ce que t'as fait. Elles sont très intuitives, tu nous as dit, Doc, les filles, hein, c'est ouais, ça? Oui, c'est vrai, elles sont en face, elles sont là, je les vois d'ailleurs. Bonsoir Marion. Bonsoir Anso. Bonsoir. Vous êtes tellement intelligentes, les filles. Oui, c'est vrai. Bon, on n'est pas très fut-fut, mais enfin, on se défend. Une petite maladie du week-end, j'ai l'impression. Ouais, j'ai un peu la crève, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, figure-toi que je ne sais pas, j'ai attrapé un coup de froid comme tout un chacun. D'accord, ok. Je chope pas de mec, mais je chope des microbes. D'accord, donc un conseil quand même pour Anso. Oui, t'as pas de fièvre, non? Je sais pas, mais j'ai chaud. Tu sais comme j'ai chaud. Bon, je sais pas, faut voir. Il est pas médecin, en fait. Non, mais attends, j'ai pas vu sa gorge. Attends, si elle a pas de fièvre, elle peut prendre un peu de Doliprane, des choses comme ça, voilà. Tu veux voir ma gorge, Doc? Il est génial. Vas-y, continue de le chauffer, Anso. Vas-y, c'est vachement cool. Non, mais là, il a mal à la gorge. Le rire de circonstance, quoi. Bon, et bon, vous souhaitez une bonne émission. On se retrouve dès demain à partir de 20h sur Fun Radio. Éclatez-vous avec le Night Show sur Fun Radio. Bisous. Ciao. Le Night Show présente. Je suis passé dans le Night Show avec Anso. Je suis passé pour un marron chaud. J'ai bu de l'eau. Yes, j'ai réussi. Voilà, c'est bien, mais c'est pas dans le texte. Je suis passé au Night Show. Je suis passé au Night Show. Je suis passé au Night Show. Show, putain. Et vous, quand est-ce que vous passez au Night Show? Je suis passé au Night Show. Découvrez les bonnes raisons de passer au Night Show en écoutant Marion et Anne Show de 22h à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the Night Show! Marion et Anso. Night Show. Sur Fun Radio. Mais j'ai envie de te dire bonsoir la France, écoute. Bien le bonsoir. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Fun Radio. Ravi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine du dimanche au jeudi. Marion et Anso, le Night Show, on est en direct de 22h à minuit tous les soirs. Et on est hyper content de vous retrouver à chaque fois le dimanche, c'est vrai. Oh oui. Chat. Comment ça va, petite femme Marion Desbois? Écoute, ça va mieux que toi puisque t'es un peu malade, on l'a dit, mais ça va, tu vas tenir le coup. Mais oui, complètement. En plus, franchement, vous pourriez être fiers de moi. J'ai fait un week-end hyper sportif, 15 km de vélo. C'est vrai. 6 km de footing. Wow. Et une bonne crève. Non, franchement. Bravo Babber, parce que plus ça va, plus tu te donnes à fond. Je suis fière de toi. Voilà, alors je ne perds pas. Hein, si, tu perds, tu t'affines. Ouais, mais je prends du cuisseau, alors que c'est là où j'ai envie de perdre. Bah oui, mais c'est des muscles, c'est bien, c'est plus de la graisse. Bravo Babber. Le cuisseau, le beau cuisseau là. Voilà, ça sent le marathon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais cela dit, pour moi aussi, ce week-end, c'était. J'ai rien fait. Ouais. Télé, genre je me suis fait Koh-Lanta, je me suis fait The Voice, la totale, mais je ne suis quasiment pas sortie. Mais t'as rien fait hier soir? Si, t'as fait des trucs. Ouais, j'ai été boire un verre, mais je suis rentrée archi tôt, quoi. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Week-end show business, les gars. Petite vie de yeuf, quoi. Bon, ce soir, grosse émission, les amis. Vous le savez, c'est dimanche soir. On aime bien être avec vous le dimanche et on vous a réservé des trucs de ouf. Déjà, il y a le Wesh Seki qui débarque. Wesh. Le Wesh Seki, déjà, il vous permet de gagner votre ordinateur portable. Sympa cette semaine. En gros, vous faites deviner 4 stars à papa ou maman en l'espace d'une minute. Et puis, s'ils sont bons, vous repartez avec l'ordi. En parlant de stars, on aura aussi les stars qui vous excitent. Appelez-nous, on a envie de savoir ça. 01 42 48 5000 et puis il y aura du Poké Lost, du sujet cul avec Jacques a 14 ans et Jacques a vu un truc de ouf. Ah oui, je te dirai ça plus tard. Et il s'appelle Jacques. Ouais, ça l'histoire. Et pourquoi pas Jackie. Jacques a 14 ans, c'est pas simple, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, on en parlera avec lui tout à l'heure. Amien, ne t'inquiète pas, on va écouter Alex Ayono aussi ce soir. Petite tête de beurre, Alex Ayono. Et alors, ce petit beurre devrait venir bientôt dans l'émission. Ouais, il a demandé expressément à faire le trajet outre-Atlantique. Ah, il vient que pour nous. Ah, il nous harcèle, hein. Et puis, on écoutera aussi Zara Larsson. Il y aura The Parakeet aussi dans un instant. Le son qui fait du bien, le son smooth. Ah, le son smooth. Et cette équipe est smooth. Les garçons, bonsoir. Comment ils vont, les garçons? Ils vont bien. Super bien. Vachement de virilité en tout cas, les gars. Amir des réseaux sociaux, comment tu vas? Wow, week-end un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, conjonctivite. Bon, déjà, je devais, ce week-end, je vous l'avais dit, je devais faire une course zombie in the dark. Oui. J'ai pas pu parce que j'ai chopé un truc à l'œil. Conjonctivite. Ça l'histoire. Hein. En scooter, il y a un truc qui m'a tapé la rétine. Pas, ça a gonflé. Non mais je sais Amir, parce que c'est vrai que depuis le début de la journée où on s'est retrouvés, toutes les 5 minutes tu dis « t'as vu mon œil, t'as vu mon œil ?» Putain, mais vous les mecs, sérieux, quand vous êtes malade ou que vous avez mal quelque part, vous êtes relou. Le gars s'est pris en photo mais 6000 fois l'œil pour le montrer à tout le monde. Ouais, je sais. Bah, c'est un souvenir. Sinon j'ai une petite nouvelle quand même. Ah non, c'est un bon truc pour tous les auditeurs sur le compte Twitter de l'émission Marion et Anso. Il y a un concours avec Scuf Gaming pour gagner des manettes. Il y a des lots en fait avec Scuf. C'est énorme. Il y a plein de trucs pour les gamers là. Allez-y, il faut quoi? Juste retweeter? Ouais, il faut juste retweeter. Et puis ensuite, on envoie les manettes Scuf. C'est des manettes personnalisées. Ouais. Et elles sont mieux que les manettes Sony et tout ça. Eh ben, allez-y, c'est sur le compte Marion et Anso. On vous a épinglé ça. Vous retweetez le visuel. Et on fera un tirage au sort quand, Amir? On fera le tirage au sort incessamment sous peu. D'accord. Non, avant jeudi. Avant jeudi, ouais. Ok. Merci Amir, Marion et Anso sur tous les autres réseaux. Bonsoir Thibaut à l'AREA. Coucou les filles. Ça va Bichon? Ouais, vous m'avez grave manqué, j'ai pensé à vous tout le week-end. Depuis jeudi soir, j'attends qu'une seule chose, c'est d'être là dimanche soir à 22h. Et là, franchement, je suis content. Vous êtes retrouvés, vous êtes belles, vous m'avez manqué. Ah, c'était pas ouf là. Attendez, il nous a tweeté ce week-end, il nous a pris une photo de fleurs pour nous l'envoyer sur Twitter, quoi. Le mec est taré, quoi. Ça n'empêche pas que là, c'était pas ouf. Non, oui, mais c'est pour ça, je vous ai déjà embuté ce week-end, je veux pas passer pour un relou, je vous aime, vous le savez, vous êtes au courant, c'est tout. Voilà. Mec, t'avais pas d'inspiration, c'est pas grave, on va voir si Enzo du Standard a plus d'inspiration, bonsoir. Non, mais j'ai pas envie de parler pour rien dire en fait, je suis pas comme lui. D'accord, comme ça c'est dit. Ouais. Ça va toi Bichon? Ça va super, j'ai passé un excellent week-end, pas mal, j'ai fait beaucoup de sport, hier soir j'ai été voir Dans le Noir, donc voilà, un film que je vous conseille. Il est bien? Ouais, très bien, j'ai été avec ma meuf, ouais. C'est un film qui fait peur, ouais, non, moi je peux pas regarder ça, moi, j'ai trop peur. Non, mais c'était cool, c'est à faire. D'ailleurs, il faudra qu'on se regarde un film d'horreur tous ensemble là dans le cinéma privé de la radio. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait faire des trucs que je kiffe un peu? Hey, on se fait une opération ciné. Ouais, trop bien. Non, mais c'est vrai. Bon, Enzo, présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Alors, c'est Cyril, il a 16 ans, il habite à Aix-en-Provence et il a eu un iPhone 7 pour son anniversaire, sauf que ce week-end, il a une galère. Oh, la chance. Bonsoir, Cyril. Salut les filles. Ça va? Bah ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Hey, bon anniversaire. Ah, grave. Ben merci. Donc, t'as 16 ans aujourd'hui. Oui, j'ai 16 ans aujourd'hui, ouais. D'accord, et alors c'est quoi l'histoire? T'as eu un iPhone en avance? Ouais, alors en fait, si tu veux, j'ai fait la queue vendredi devant l'Apple Store, à côté de chez moi. Genre, j'ai attendu 3 heures avant d'avoir cet iPhone 7. Et samedi, genre, bah bon, parce que dimanche, je fête un anniversaire, c'est pas cool, tu vois. Donc du coup, on l'a fêté samedi. Et si tu veux, j'ai glissé comme un malade. Le téléphone, l'iPhone 7 qui était dans les mains, il a glissé aussi. L'écran, mort. Oh non. Ah mais tu sais, ça me rappelle une histoire, c'était à l'époque de la sortie de l'iPhone 6, où il y avait une queue de malade et le premier gars qui a acheté l'iPhone 6 à Paris, enfin en France, avait fait tomber et l'avait pété devant toutes les caméras de télévision du monde entier, quoi. Mais c'est super ça, Anso. Anecdote merde. Et Cyril, tu t'en souvenais de cette anecdote? Non. Mon pote, du coup, t'es dégoûté là? Tu vas retourner chez Apple pour le faire changer ou comment ça se passe? Ben, je sais pas comment je vais faire parce que, en fait, ma mère, n'est pas au courant non plus. Ah ouais. Donc, ça va être grave la merde, tu vois. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Alors, quoi. Bichon, si t'as besoin d'un coup de main pour annoncer ça à maman, nous, tu sais, on est là, on adore ce genre d'histoire. Hein. Ouais. Ouais, enfin, je pense qu'elle adore à moi, tu vois. Je peux comprendre. Ah oui, écoute, nous, on essaye de t'aider, hein, mon Cyrilou. Hein. Bon, ouais, Cyril, oui, oui, c'est bien, mais tu vois, j'ai pas une maman qui est très très cool. Non, mais en même temps, t'as pas fait exprès. Tu lui dis que tu vas payer les réparations et ça va passer tout seul, t'inquiète. Ouais. Et puis, ouais, dis-le maintenant comme c'est ton anniversaire. Anne-Sou, elle m'en achète un nouveau et puis voilà. Mais pourquoi je t'en achèterais un, moi? Bah, je sais pas, pour mon anniversaire, un petit cadeau et tout. Mais attends, mais mec, t'as choisi la meuf qui a le moins de thunes dans cette équipe. Gars, je suis à découvert dès le 2 du mois, donc c'est pas possible. Mais ça va, t'as juste à te taper le patron de fun et puis c'est bon, t'as une autre. Bah oui, bah t'as vite. Écoute, on va l'appeler. Hein. Ouais, on va essayer de gérer ça. Pas sûr que ça marche quand même, mec. Bon, bichon, on va voir ce qu'on peut faire, mais n'y crois pas trop, d'accord? Ouais. On t'embrasse, Cyril, bisous. Ouais. Bisous. Bisous. Reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. On voulait parler séries télé. Pourquoi? Parce qu'on est dimanche. Et globalement, le dimanche, qu'est-ce qu'on fait de mieux? Eh ben, rien. Et on mate des séries télé. Oui. Ouais, c'est quoi la série que vous préférez en ce moment? Et peut-être que vous allez pouvoir partager avec nous, nous faire découvrir des choses. Appelez-nous 01 42 48 5000. On se retrouve juste après The Parakeet. Alors, ça, c'est énorme. Et en plus, la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Eh, pas folle la guêpe. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. petit point sur les invités du Night Show qui arrivent. Ça vous dit l'équipe ou pas? Ouais, c'est grave. Oui. Alors demain déjà, on aura des gars du Golden Moustache qu'on aime beaucoup. C'est Carlito et McFly qui seront avec nous. Sympa, si vous avez des questions, 01 42 48 5000. Mardi, c'est Sopra qu'on adore qui sera là. Tu es en feu. Sopra, on lui a réservé de très grosses surprises. Je pense qu'on va se marrer. Tu es un beurre. Et jeudi soir, ce sera la belle Zao, on adore ça. C'est chaud. C'est chaud. Je vous donne pas encore les invités de la semaine prochaine, mais les gars, il y a du très, très, très lourd qui arrive. Vous allez être contents. Et je vous rassure, bien évidemment, avec tous ces invités, nous ne chanterons pas. Non, évidemment. Pas d'inquiétude. On voulait parler série télé avec vous, parce qu'on est dimanche, et que le dimanche, surtout avec ce temps pourri qui commence à arriver et s'abattre sur la France, on aime bien regarder des séries, c'est vrai. Qu'est-ce que tu regardes, toi, comme série, Marion, la série dont t'es le plus fan? Moi, récemment, j'étais fan de Orange is the New Black, que les auditeurs m'ont conseillé, d'ailleurs, j'avais demandé sur Facebook et tout, et ils ont été nombreux à me dire ça. Et ben franchement, j'ai pas été déçue. J'adore, c'est tout ce que j'aime. C'est l'histoire de Nana qui est en prison, c'est ça? Ouais, c'est Nana qui se fait incarcérer. Elle y va d'elle-même d'ailleurs pour blanchiment d'argent. Elle se retrouve en tôle. Sa peine est rallongée à chaque fois et tout. Et du coup, y a plein d'histoires dans la prison. Tu t'attaches grave aux gens. Et c'est pas mal, mais là du coup, j'ai fini la saison 4. J'attends la 5. D'accord. Bon, ça va. Ils avaient fait un truc cool pour Orange is the New Black, c'est ça, hein? Ouais. Ils avaient fait un truc cool dehors. En fait, il y avait les affiches avec les trucs pour faire des snaps. Face swap. Ouais. Avec les acteurs. Pour échanger les visages de chacun. Avec les acteurs. Ah, c'est pas mal. Oui, Yannick au standard. Et avec Allo Resto, ils livraient les plats des prisonniers à domicile pour Orange. Ah bon? Oh. Ouais. Attends, mais tu pouvais manger les plats des prisonniers? Ouais, c'est ça. Moi, oh, c'est pas mal. Mais qui a envie de faire ça? Parce que c'est pas bon. Ah, Yannick, il l'a fait. Mec, tu l'as fait, Yannick? Ouais, et c'est plutôt bon en fait, parce que c'est genre un chef cuisinier qui te livre ça et tout, mais c'est dans la même configuration. Ah, mais c'était quoi à bouffer? Oula, alors là, je me rappelle plus. J'ai plus parce que dans la série, elle mange vraiment des trucs dégueux. Hein. Je pense pas que ce soit pareil. Bah écoute, vu le prix d'Allo Resto, je pense pas que ce soit dégueu. Ouais, ouais. Anso, tu regardes quoi toi en ce moment? Moi je regarde, et vous savez, je regarde Grey's Anatomy et je suis fan de Grey's Anatomy. C'est-à-dire que là, j'attends la saison 13. J'ai vu ce matin qu'elle était dispo sur iTunes. Donc j'attends la saison 13 et je me refais même les anciennes saisons de Grey's Anatomy en attendant les nouvelles saisons. C'est-à-dire que je suis un peu monomaniaque. Si je suis comme toi, avec le magnifique Docteur Mamour qu'on adore. Ouais, c'est clair, il est tellement beau. Bon, mais aussi, il existe, c'est Docteur Mahmoud. Allez, appelez-nous vous aussi, la 01 42 48 5000. On parle série télé avec vous. Dites-nous quelle série télé vous adorez en ce moment. Et moi, j'ai préparé un blind test série télé pour vous, l'équipe. Ouh là là, mais on s'amuse. Allez, bougez pas. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Banzai Noodle de Lustucru. C'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodles de Lustucru, Banzai que c'est bon. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Hashtag le Night Show pour réagir à l'émission. Et là, on va vous lire ce soir sur Facebook, sur Twitter, partout, puisqu'on vous demande quelle est votre série du moment, celle que vous regardez. Donnez-nous aussi des séries qu'on connaît pas là. Moi, j'en recherche en ce moment. Donc, je vous attends. 01 42 48 5000. Ça, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de séries télé, hein. Amir, des réseaux sociaux, est-ce que toi, t'as une série que t'aimes bien en ce moment? Je crois que oui. En fait, je suis même plutôt accro. Ça s'appelle Suit. C'est une série sur les avocats, en fait. Oui, je connais. Donc faire une série sur un fruit, ça dérange personne. Oui mec. Mais qu'il est con, en plus il dit un fruit, c'est bah un légume. Bah non, c'est un fruit. Mais non, c'est un l'avocat, c'est un fruit. Bah oui, c'est un fruit. Voilà. Mais non, mais c'est sur la profession évidemment. Alors moi j'ai du mal à mettre dedans, mais il paraît que c'est chambé. C'est donc hyper cool. En fait, en gros, c'est un boss, un avocat de New York, et il y a un mec, c'est un espèce de faux avocat entre guillemets, et puis il se passe plein de choses autour de ça. Oula, j'ai l'impression qu'il vient de nous spoiler l'histoire là. Ah, pas du tout. Ouais, non, mais franchement, c'est kiffant. Enzo, toi, tu regardes quoi en ce moment? Moi, en ce moment, je suis sur Narcos. Ah ouais. C'est la combien deuxième saison là? Deuxième saison, ouais. C'est ça rappelle l'histoire de Pablo Escobar, et voilà. D'accord. J'adore. Moi, c'est pas mon délire tout ça. Moi, je suis comme toi, Anso. J'aime bien Grey's Anatomy, les trucs de meufs. Mais moi, j'adore les trucs médicaux en fait. Ouais, mais il y en a pas tant que ça, à part Dr House et Grey's Anatomy. Mais pas Dr House, moi. Il y a Urgence. Urgence, moi, j'adorais. C'est vieux. Ouais, et mec, je les ai en VHS, quoi. En quoi? Je les ai en VHS, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Mais excuse-moi, t'es né en quelle année? Cassette vidéo, quoi. À 83. Ah ouais, d'accord. Hey. Thibaut Alaria, c'est quoi ta série préf? Moi, en ce moment, je suis à fond dans Shameless. C'est l'histoire de la famille Gallagher. Ils sont complètement tarés, c'est des ouf. Ah, je connais pas non plus. Enfin, jamais regardé, je connais deux noms, mais. En fait, le père, genre, il est à moitié alcoolique. Et du coup, c'est les enfants qui gèrent leur famille. Donc, ils ramènent le blé pour bouffer. Genre, elle fait les mots pour les enfants et tout. C'est la grande sœur qui gère la famille. Je sais plus qui m'en a parlé, j'ai regardé le début. Et ça m'a un peu saoulé. Bon. C'est cool, il y a plein de scènes un peu sexy et tout qui sont sympas à regarder, j'aime bien. Ouais, quel show lui. Ah, j'adore. Il y a Amandine de Rouen qui est avec nous au 01 42 48 5000. Bonsoir Amandine. Salut Rouen. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Oh, bonsoir. Ça va Amandine? Oui. Alors dis-nous, c'est quoi ta série préférée du moment? Grey's Anatomy. Ah, toi aussi, bah ouais. Oui. Et alors, c'est qui ton personnage préféré? La fille. Laquelle? Meredith. La fille qui est les cheveux longs qui raconte en fait Grey's Anatomy en fait. Meredith. Mais Amandine, oui. Par contre, t'es d'accord, on va pas se mentir, dans Grey's Anatomy, ils survivent à un crash d'avion, à une fusillade. À tout? À tout. Ils ont les maladies du monde et tout, ils sont increvables. Hein. Ouais, cela dit, s'il y en a qui meurent, mais ça fait trop mal au cœur quand ils meurent. Enfin, moi, ça me fait une peine. À chaque fois, j'ai l'impression de perdre un ami. Ouais. On va pas se polier pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a de très gros personnages qui sont morts. Dans Mamour. Il y a combien de saisons en tout là-dedans? C'est la 13e là, on attend la 13e. Ouais, c'est long. Ouais, c'est un peu long, ouais. Mais on aime bien nous. Amandine, on t'embrasse, ma chérie, et bonne 13e saison. Oui, et je voulais faire, vous demander si je pouvais avoir un pack Sun. Oh bah oui, on va pouvoir te trouver ça, il y a pas de souci. Parce que en plus de ça, je parle de Grey's Anatomy et j'ai mon grand-père qui est décédé le 4 septembre. Oh bichette. Bah je vois pas trop le rapport avec le pack Fun, mais en tout cas, on t'envoie et toutes nos condoléances. Et j'ai juste un truc à vous dire parce que j'avais appelé pour les examens. Comme quoi j'avais raté le BEP et je l'ai eu. Oh ah ouais. Bravo Amandine. Ah oui, elle a eu son BEP. Amandine, tu nous fais quand même un petit ascenseur émotionnel dans les annonces là quand même. Ouais, ouais. C'est bon, t'as plus rien à nous dire là parce qu'on est perturbés. Non. Là, hein. Amandine, est-ce que t'es enceinte? Ouais. Arrête. Bon bah bravo chérie, on est fiers de toi et on t'embrasse. Moi aussi. Bisous Amandine. Bisous. Il y a Cédric aussi qui est à Bordeaux. Eh bien bonsoir à toi Cédric. Et bonsoir toute l'équipe. Et bonsoir à toi. Ça va Bordeaux? Ouais, tranquille, tranquille. Alors qu'est-ce que tu regardes toi avec ce bel accent? Là, la dernière série que j'ai entier d'affilée, c'est Ice Zombie. Ah, c'est une série. Attends, Ice Zombie, c'est écrit comme de la glace? Non, Ice comme I et Zombie. I, le I, Zombie quoi. J'en ai entendu parler aussi, est-ce que c'est bien? Franchement, ouais, mais j'ai vu la première saison en version française. J'ai accroché et j'ai maté la deuxième saison en VO sous-titré. D'accord. Eh ben, écoute, je regarderai parce que j'aime bien les trucs de zombies, moi. Et ça, si tu faisais une comparaison avec Walking Dead, Cédric? Ah non, c'est carrément différent. En fait, c'est un petit mix. En fait, grosso modo, c'est une zombie qui devient zombie à cause des drogues et qui sont coupées avec une boisson énergétique. Ah ouais, c'est vraiment le départ. Et en fait, elle travaille dans la morgue. Et pour se nourrir, elle se ponctionnait directement sur le cerveau. Donc à chaque fois, elle prépare une recette différente. Ça, c'est le truc qui est pas mal. J'adore. Donc des fois, c'est sous forme de lasagne ou de pâte. Mais dis-moi, comme ça. Dis-moi Cédric, elle gagne à être connue, cette jeune fille. Et en fait, par le biais de ça, elle aide un inspecteur à retrouver les personnes qui ont fait des crimes. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, c'est bien pitché en tout cas. Merci à toi, mon pote. Mais de rien. Bisous, Cédric. Je viens de voir les salaires de Grey's Anatomy, du coup. Ah ouais. Bah ouais, c'est violent. Hein. Entre 250 et 350 000 dollars par épisode. Bah ouais, wow. Bah attends, et regarde Friends, ils ont tous fini à 1 million de dollars chacun par épisode, quoi, t'imagines? Ouais, c'est ouf, mais ça rapporte tellement cette série. C'est une des séries les plus vues au monde, quoi. Donc c'est bon, c'est indécent, mais ça me surprend pas, quoi. Ouais, bah, ils ont bien négocié, quoi. Hein. La négo n'est pas un problème, hein, pour les acteurs. T'es con. Il y a Valentin à Lille qui est avec nous aussi. Bonsoir, Valentin. Bonsoir les filles. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, dis-nous, quelle est ta série préférée, Valentin? Alors moi, ma série du moment, c'est Humans qui passe sur HD1. Je sais pas si vous connaissez. Non, TNT, ouais. Ça me dit rien. Humans. C'est l'histoire en fait des humains en fait dans le futur qui vont, enfin, qui achètent chacun un droïde, en fait des droïdes nouvelle génération, et donc ils ont l'apparence humaine, ils ressemblent à des humains, ils bougent exactement comme les humains. Ah ouais. Sauf qu'en fait, il y a des petits bugs, donc du coup, ça entraîne des petites histoires bien sympathiques. Eh bien, écoute, merci beaucoup. J'adore. Écoute, je regarderai, j'en avais entendu en parler, effectivement, mais... Et combien de saisons, l'histoire, là, Valentin? Ah bah là, c'est que la première saison, pour l'instant. Oh, c'est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf, mais c'est vachement bien, je vous conseille de la regarder, c'est super cool. Et écoute, ouais. Valentin, on te remercie, et les producteurs de Humans te remercient aussi. Bisous, Valentin. Bisous, avec plaisir. Ciao. Bisous, à bientôt. L'équipe, je vous ai préparé un blind test générique de série. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Yes. Alors attention, on donne son prénom avant. Je veux pas de mauvais perdants, je veux pas de mauvais joueurs, ok? C'est okay. Très facile. Et alors, on ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas, on se détend, ok? Oui, Amir. Et on balance tout sur Snap, Marion Enso. On balance tout sur Snap, Marion Enso. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, go. Oui. Première série. Enso. Pardon? C'était Enso. J'ai dit Amir. Hein. Non, c'était Enso, je suis la juge. Que Dieu vous aide. En fait, Amir, c'est gosille. Ouais. Et du coup, il a l'impression d'être le premier. Alors, voilà. Tu n'es qu'un leurre. C'est bien, Enso, un point. Deuxième série. Amir. Enso. Amir, c'est Amir. Les feux de l'amour. N'importe quoi. La petite maison dans la prairie. La petite maison. Enso, deux fois Enso. C'est des trucs de vieux aussi. T'es nul, Amir. Donne pas ton prénom si tu sais pas. Ok, maman. Troisième série. Enso. Oui. Alerte à Malibu. C'est bien, Enso, mais il faut laisser jouer les gens à un moment donné. C'est un truc de yeuve. Pardon. Oh, elle est trop mignonne, Elwood. C'est bien, Enso, je suis fière de toi. Quatrième série. Enso. Thibaut. Desperate Housewives. Bah oui. Ah, mais c'est bon, t'as gagné, Enso. Laisse les autres. Ouais, d'accord, j'arrête. Enso ne joue plus, les garçons, c'est que entre vous. Allez, battez-vous, les garçons, là. Okay. Je veux de la niaque. Enso. Amir. C'est Enso. Amir. Non, c'est moi. J'ai dit Amir après. Enso, Amir, tu te calmes. Oui, Enso. The Walking Dead. C'est bien. Un point, Enso. J'aurais pas su ça. Sauf que moi, je l'ai vu, moi. Mais super, Amir. Tu veux un pins? Allez, on enchaîne. C'est pas bien ça. Enso. C'est un peu yeuve, mais oui. 7 à la maison. Non. C'est bien. Seven Heaven. C'est 7 à la maison. Seven Adam. D'ailleurs, c'était horrible la polémique qu'il y avait eu après avec ce gars qui avait fait des choses. Avec des enfants, ouais. Il paraît que le père de famille, donc juste pour vous pitcher l'histoire, en gros, c'est un père très pratiquant, tout ça, qui a 7 enfants. Ouais, et il est révérend. Voilà, archi gentil et tout. Et dans la vie, a priori, il aurait eu des histoires de pédophilie à son actif, quoi. Ouais. Pas cool. Enso, tu voulais dire quoi? Ouais, Rosie, moi j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. Ah ouais, trop mignonne. Trop mignonne. Les gars, c'est malsain ça aussi. Hein. J'ai l'impression que ça se joue entre Enso et Enso. Ah, non, parce que les autres, si, il reste un titre. Alors, Enso et moi, c'est la dernière finale alors. De toute façon, t'as gagné. Non. Finale, ok. Allez, finale entre les deux, c'est parti, dernier titre. Enso. C'est Enso. Non, c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous le dis direct, c'est faux. Et là, c'était complètement en même temps. Ouais, c'est vrai. Alors, de toute façon, j'en ai plus. J'ai gagné. Ce sera comme ça. Et de toute façon, c'est Enso qui a gagné parce que c'est ma poteau. Bravo, Enso! Merci! Et j'ai gagné quoi? Je vais réfléchir à ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. On a Anaïs qui nous a appelé de Sanilac. Bonsoir, Anaïs. Bonsoir, les filles. On est content d'être là. On est content d'être là. Mais c'est pas ça. C'est pas exactement ça. C'est pas ça. Voilà. Excusez-moi, mais je viens de finir le taf donc. J'ai un peu les neurones en vrille. Ça n'excuse rien, mais c'est est-ce qu'on est content d'être là? Mais c'était déjà bien de le tenter. C'est son excuse pour tout. Ok. Mais elle coule pas alors. T'inquiète, Bichette, on t'écoute. C'est quoi ta série préférée? Arrow. Ah, oh, j'adore surtout le mec qui fait Arrow. Oh là là, il a ses abdos en béton. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. Attends, je vais aller voir la tête du gars parce que. Si, il est beau. En gros, un riche qui se retrouve 5 ans pendant 5 ans sur une île déserte et il retourne sur sa ville pour faire le justicier masqué. Ouais. Ouais, et franchement, j'avoue que l'acteur est pas mal du tout. Anne-So, elle sait pas comment ça s'écrit, elle arrive pas à le trouver. C'est... En fait, j'ai tapé A-2-R-O-W. Parce que j'ai écrit A-R-O et je suis tombée sur Arrow Immobilier. Donc ça <n'est pas> ça. Alors regarde, il est mignon, normalement il est pas mal. En tout cas, il rend bien à l'écran. Ah oui, c'est de la super-héros, tout ça, quoi. Ah bah oui, il y a du muscle. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Oh, oh là là, je le prends, là. Stéphane Hamel. Ouais. Bonsoir, Stéphane. Salut, toi. Dis donc, Stéphane, tu voudrais pas venir sauver le monde du côté de Paris, là? Hein? Anaïs, merci, tu nous l'as rendu un peu tout excité, là. Merci, Anaïs. Je peux faire une petite dédicace, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Alors, je suis une dédicace à ma madre Kérida et à vous, les filles, parce que heureusement, vous êtes là quand je rentre du boulot. Quand je finis le taf, je vous écoute et vous remettez la pêche pour rentrer. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Tu es l'auditrice de la soirée pour nous, tu le sais? Oh, c'est trop d'honneur. On t'embrasse, Anaïs. Gros bisous à vous. Bonne soirée, les filles. Continuez comme ça. Merci. Bisous. Amir, sur les réseaux, est-ce qu'on a de la réaction? Je suis sûre que oui, avec hashtag le Night Show. Sur IGATXTV, ma série préférée, c'est Forever. Ouais. Ma série préférée, c'est Ghost Whispers de My Vibe 44. Parce que tu parles bien anglais. Il y a The Big C aussi de Céline. GTA Movie FR qui dit Hawaii 5.0. C'était sur M6. 5.0, ça, ouais. Ouais, 5.0. Ouais. The Walking Dead, Scorpion Quantico. Ouais. Tout ça avec le hashtag de Night Show. Revenge, quelqu'un connaît? Ouais. Bah oui, ouais. Revenge, évidemment. Voilà, ça, Revenge. Flash, sur TF1, il y avait un truc là, ça s'est arrêté, non? Bah c'est oui, Flash, non, ouais. Non, il y a un nouveau truc qui va démarrer en fait, je crois. C'est Flash Gordon, le gars qui court le plus vite de la planète là. Ouais, mais il y avait plein, il y avait des mecs avec un arc et tout. C'est, c'est des mutants, on appelle. Et c'était un rêve que t'avais cette nuit, Amir. Je sais pas de quoi tu parles, Amir là. Mais si, il y avait un mec avec un arc aussi. Ah ouais, bon. Si tu étais peut-être Robin des Bois. Hein. Bon, et ben continue avec le hashtag le Night Show, on voulait aussi sur Facebook, les copains. Okay, t'en as d'autres? Oh non, mais je vais m'arrêter. Allez, vas-y, encore deux autres. Ok, Game of Thrones. Ouais. Suit, parce qu'il y en a plein qui m'ont suivi sur Suit. D'accord. Ça s'écrit S-U-I-T-S. Et puis, La Petite Maison dans la Prairie. Qui dit ça? Eh ben, Antoine 21. Ok, eh ben Antoine, tu as des goûts de yeuve, mais on t'embrasse quand même. Bah, moi, j'ai rien contre Plus belle la vie, par exemple. Ah, désolée. Oui, c'est vrai que toi, t'aimes bien, mais ça, moi, je... Ça marche, hein? Bah ouais, ça cartonne, mais moi, j'ai du mal à accrocher. J'avais fait le casting à l'époque. Il y a le mec qui joue dans tes vidéos qui joue dans Plus belle la vie en ce moment. Oui, c'est vrai. Attends, parce que Amir veut raconter qu'il a passé le casting de Plus belle la vie. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais fait le casting à l'époque de Plus belle la vie. Et t'as été pris? Bah ouais. Et c'était sur le... Si, j'avais dit si, mais ça... je travaillais, du coup, je pouvais pas y aller. Ah, bravo, Amir. Et c'était pour le rôle du mec qui s'appelait Amir en plus. D'accord. C'est dingue cette anecdote, Amir. C'est fou, hein. Oh, dis donc, j'ai tellement hâte qu'on fasse un dossier complet sur Plus belle la vie. Hashtag le Night Show, bien sûr. Hein. Pépère, est-ce que t'as une série préférée, toi? Ouais, Pépère, il a une série préférée, bien sûr. Faut c'est le dire maintenant? Bah oui. Ah bah, je sais pas, il y a Cooks qui démarre. Bah, c'est pas grave, il va attendre. Bah non, faut respecter les artistes, hein. Allez. Bon, bah, Pépère, lui, sa série qu'il adore le plus, c'est Game of Thrones. Ah bah, c'est bien, t'es à la mode, tout ce qui est fantastique, tout ça, quoi. Bah oui, mais moi, ce que je préfère, c'est me branler devant le petit trou du cul du nain. Oh Oui, Tyrone. Eh ben, il va être content, Kungs, en tout cas, que Pépère ait parlé sur la j'ai une blague d'ailleurs. Je voulais vous dire que j'ai des grosses Kungs. Ouais, d'accord. Ça marche, Pépère. Dans un instant sur Fun Radio, c'est le Wesh Seki qui débarque juste après Kungs sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à minuit. I'm gonna rock your back, take it nice slow. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it nice slow. Gonna rock your back, don't you know. The only thing I want is the taste of your heart. Hey. I'm gonna rock your back. Take a dance. So, c'est le Night Show, on est en direct avec vous jusqu'à minuit et on a reçu énormément de tweets, de mails Facebook. Alors, des sacs de courrier en toile de jute, en veux-tu, en voilà, devant ma porte tout le week-end pour savoir quand est-ce qu'il allait être rendu le résultat de l'opération Bahut. T'exagères pas du tout. Et non, pas du tout, c'est pas mon truc. Et bien, ce sera demain soir, entre 22h et minuit. Oui. Nous saurons qui sera le gagnant de Marion et Anso, opération Bahut. Je vous rappelle que Marion et moi venons vous chercher à la sortie de votre Bahut. Ça peut être le collège, le lycée, la fac, ce que vous voulez. Donc, inscrivez-vous, vous avez encore le temps, soit par mail marionetanso@fionradio.fr ou avec Twitter, le hashtag Marion et Anso, opération Bahut. Ça marche aussi de manière très très bien. Wesh, c'est qui ? Wesh, c'est qui ? Yannick du Standard, wesh, c'est qui ? Elle est blonde, elle a une frange, elle a envie de ken, elle est en manque, attends. Elle est pas bien. Oui. Oh. Attendez les gars, c'est vraiment comme ça que vous me voyez ? Ouais. Oui, comme ça. Je suis aussi hyper drôle. Et j'ai tout le temps faim. Oui, mais t'as une frange et t'as envie de... Hein. Bon, en tout cas, le Wesh C'est Qui, le principe est très simple. On vous donne une liste de 6 stars à faire deviner à papa ou maman. Si vous arrivez à en faire deviner minimum 4, vous gagnez votre PC portable. C'est aussi simple. Vous avez le droit de tout dire, sans, sauf bien sûr le nom et le prénom. Voilà, bah oui, parce que sinon c'est un peu facile. Ah, sinon, comme on dirait aux Jeux Olympiques, c'est éliminatoire. On joue avec Perline ce soir. Bonsoir Perline. Ah, bonsoir. Alors ceci est un prénom éliminatoire. Arrête, Amber, je rigole. Non, mais... c'est hyper mignon Perline. C'est original. Mais est-ce que quelqu'un dans l'équipe connaît une Perline connue ? Bah non. Mais alors pourquoi maman elle a fait ça ? Est-ce que c'est parce qu'elle voulait t'appeler Perle mais c'était trop court ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas du tout, faut lui demander parce que moi, je crois que c'est ma mamie qui aimait bien. D'accord. On va lui demander après. C'est avec elle qu'on joue ce soir ? Oui, c'est avec ma maman, oui. D'accord. Elle s'appelle comment ? Nathalie. Classique. Natou. Est-ce que tu es prête à noter le nom des stars, Perline ? Oui, je suis prête à les noter. Alors, c'est parti. J'en ai choisi 3. Anso, on a choisi 3. Je t'en prie, Anso, vas-y. Alors, il y aura Perline, la reine des neiges. D'accord, facile, cool. Okay, il y aura Afida Turner. Oui, elle a fait le buzz récemment. Hein. Oui. Nous aurons également quelqu'un de très chic, Miley Cyrus. D'accord. L'accent anglais. Pas mal, hein. Merci. Très facile celui-là, c'est Omar Sy. On adore. Oui. Perline, le prochain, ce sera Christophe Maé. D'accord. Et Joe Wilfried Tsonga. D'accord. Alors, je rappelle à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir que la maman Nathalie est en ligne avec notre standardiste Yannick, qu'elle n'a absolument rien entendu, donc que ça va être la surprise totale. Eh bien, on accueille tout de suite Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ça va Nathalie? Ouais, ça va, impeccable. Nathalie, vous habitez à Lurquis-Lévis? Mais non. Ouais. Et non, c'est oui, où? C'est ça, oui. C'est à côté de Moulins, dans l'Allier. D'accord. Ah bah oui, bah on connaît bien Moulins avec Marion. Et alors, on se posait... peut-être. On se posait une question, Nathalie. Oui. Pourquoi avoir appelé votre fille Perline ? Est-ce que vous avez inventé ce mot ? Est-ce que dites-nous non, tout. Non, je l'ai pas inventé du tout. Non, c'est que ma mère donc avait déjà été dans les Landes quand elle a attendu ce prénom et puis moi je voulais l'appeler Méline au départ. Ah d'accord. Ah. Petite variante quoi. Voilà. Moi, et puis voilà et puis tout comme fait Perline m'a bien plu et puis j'ai choisi Perline. Je trouve que ça fait un peu prénom de yaourt. C'est joli. Perline tout ça. Hein ouais. Non, il y a de la limonade qui s'appelle comme ça. Ah, bah l'hommage à la limonade, bien évidemment, appelez vos enfants Coca-Cola. Bon, les filles, on va jouer, vous êtes prêtes ou pas ? Oui, on est prêtes. Nathalie, je vous rappelle, il vous faut 4 bonnes réponses, vous pouvez passer si jamais vous ne savez pas. Et il faut être efficace, vous avez une minute, ok ? Ouais, ok, d'accord. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Oui, qui c'est qui chante ? Ouais, c'est qui c'est qui chante la reine de... qui c'est qui chante Libéré, délivré ? Bah c'est dans les rats des neiges mais complètement je sais je passe. Ah, c'est ça. Tu sais qui joue dans Intouchable? Il est black. Oui c'est comment Omar Sy. Oui. Qui c'est qui chante Belle Demoiselle ou Il ou le bonheur? Christophe Maé. Tu sais quel joueur de tennis français que t'aimes pas trop? Tu détestes. J'ai pas compris. Le joueur de tennis français que tu détestes. Tsonga. Bah. Oui, oui, c'est ça. C'est bon ou pas? Bah, je ne sais pas. La minute n'est pas écoulée. Le suspense est à son comble. Après, ce sera pas ma mère. Ah, elle connaît pas Afida Turner? Non, les deux autres, non, elle connaît pas. Bah, c'est facile, c'est elle qui monte sa tocha. Voilà. Elle a pas vu le buzz. Bon, les filles, la minute est écoulée et de toute façon, 1, 2, 3, 4, on a fait le compte, c'est gagné, bravo! Ouais ouais ouais. Bon, Perline, déjà tu gagnes ton PC portable. Oh, Bert, trop mignonne. On t'envoie ça, Perline, y a pas de souci. Mais j'ai quand même une question pour Nathalie. Pourquoi vous détestez Joe Wilfried Tsonga? Ah, parce que je sais pas. Il y a quelque chose qui. Non, parce que c'est une fois, il a pas voulu venir jouer au tennis dans l'Allier. Quoi? C'était pas assez bien pour lui. Bah, enfin, Nathalie, il avait peut-être une gastro ou il était peut-être pas bien ou il avait peut-être autre chose. Non, c'était pas assez bien pour lui. Bah, disons, Nathalie, je vous le dis, les gars, faut pas lui faire de faux plans. Hein. Nathalie, merci d'avoir joué avec nous. On vous embrasse, vous êtes top. Et ben, moi aussi, je vous embrasse tous bien fort et puis, j'espère à bientôt. Oh. Bisous. Et on est heureux comme tout, c'est sympa. Bisous à toutes les deux. Bisous à vous. Dans quelques minutes sur Fun Radio, on va parler d'un délire qu'on a avec Anso. On s'est fait une liste des trois personnes, des trois personnalités avec qui on pourrait tromper notre mec. Enfin, ouais. Si t'avais un mec. Voilà, c'est ça. Du coup, on va vous balancer les noms et vous dites-nous la 01 42 48 5000 avec quelle star vous pourriez tromper votre mec ou votre meuf. On se fait plaisir en fantasme sur Fun Radio dans un instant. Juste après, celui qui sera notre invité mardi, c'est Soprano. Mais qu'est-ce qu'on l'aime, lui. Ouais. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Oprah sur Fun Radio. Il sera avec nous mardi 01 42 48 5000. Déjà, si vous avez des questions pour lui ou si vous voulez juste lui faire une petite dédicace, un petit coucou, ça marche aussi. Et moi, j'ai une info pour vous, l'équipe. Vas-y. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Il y a un loft avec des chats comme candidat sur TF1 qui va débarquer. Ah, sur TF1? Ouais, en gros, TF1, il vient d'acquérir les droits de The Secret Life on Cat, la vie secrète des chats. En gros, c'est une émission de télé-réalité où les candidats sont remplacés par des chats et des chattes. C'est un truc de malade. Ouais, mais en même temps, ça m'étonne pas vu comment ça cartonne les vidéos et tout sur Internet, non? Alors, des chats et des chattes, la question qu'on se pose, est-ce que celle d'Afida Turner sera au casting? Voilà, la France attend, Afida. Non, mais moi, ça m'intéresse de voir cette émission. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça peut être aussi chiant que marrant, quoi. Parce que les chats, quand même, qu'est-ce que tu veux leur faire faire? Bah, oh, tu sais, on est surpris, ils vont conquérir le monde. Hein, c'est con. T'es bête. Bon, Marion, on en parlait avec vous il y a quelques instants. Avec Marion, on s'amusait à faire la liste des trois personnalités avec lesquelles on pourrait tromper nos mecs. Bon, en l'occurrence, moi, j'ai pas de mec, donc je peux y aller. Hein. Ouais. Je peux y aller à tout va. Toi, Marion, ce serait quelle personnalité avec lesquelles tu peux tromper, mais alors sans aucun problème, sans regret, tu t'en fous, quoi. Ouais, alors j'en ai trois et c'est du lourd. Hein. Et en plus, ton mec aurait rien le droit de te dire, quoi. Ouais, bah non, il peut pas. C'est trop du gros level. Moi, j'ai Bradley Cooper. Voilà, Bradley, bon bah... Moi, je trouve qu'il s'empâte un peu. Arrête. Moi aussi. Non, moi, j'aime bien. Et puis, je le trouve discret, ce mec. Tu sais, il s'affiche pas trop, j'aime bien. Et en plus, il a fait ses études à Aix-en-Provence. Et il parle français, et j'adore. J'aime bien Leonardo DiCaprio aussi. Je sais, c'est pas très original, mais je suis désolée, c'est un des meilleurs acteurs de la planète. Il est sexy, il a tout ce qu'il faut. Mais ouais, lui, il fait des partous et tout ça. Hein. Ouais. Bon, c'est pas pour me déplaire, tu sais. Mais c'est surtout qu'en plus, il a l'image du gars incasable. Donc, t'as toujours le fantasme de dire, mais moi, il va m'aimer, il va m'épouser, il va me faire des enfants, quoi. T'as vu avec qui ça? Que des mannequins. Blonde, archi bonne. Là, point commun avec moi. Il a un problème avec le fisc américain, justement. Pourquoi? Bah pour détournement d'argent. Et en fait, il se faisait des soirées dans des villas de luxe avec plein de potes à lui. C'était Partous Land avec plein de choses. Ah, bah ça m'a déchauffé d'un coup. Et le troisième, alors c'est nouveau parce que je l'aimais bien avant. J'ai eu une phase où je l'aimais plus trop. Et là, depuis que je le vois dans The Voice Kids, et bah, il me plaît beaucoup, c'est Matt Pokora. Ah ouais. Matt, je trouve qu'en fait, j'ai autant envie de délirer avec lui que plus, tu vois. Je trouve qu'il est à la fois drôle, beau, il danse bien et tout, je sais pas, il y a un truc. Ouais. En plus, c'est le genre de mec, tout lui va. C'est-à-dire qu'il peut te faire la coupe la plus improbable du monde, ça lui va bien. Oui, tu vois. Je suis pas d'accord, sa coupe blonde, là, il a fait les cheveux, c'est dégueu, c'est blond. Non. Ah non, c'est pas beau. Mais ouais, c'est le seul à qui ça va, hein, franchement. Oui, Enzo. Est-ce qu'on pourrait pas faire une teinture à Thibaut? Non, arrête. Ça lui irait pas du tout. Venez, on fait la coupe de Matt Pokora à Thibaut. Bah ouais. Non, mais les gars, ce serait juste énorme. Bah si, bah, tu vas le payer, ça, tu vas voir. Ok, tant pis, c'est pas grave, t'as critiqué Matt, tu vas le payer. Par contre, Matt, c'est cool parce que pour lui, les meufs, elles sont toutes en kiff sur lui et les mecs ont envie d'être son pote. Ouais, c'est vrai qu'il a tout gagné. Moi, je propose un sondage quand même, hein, et on fait la coupe de Matt Pokora à Thibaut ou pas sur Twitter. Ok. Hein, vous nous dites. C'est qui part? Allez, c'est parti. Non, mais n'importe quoi. Bon, venez nous dire vous aussi avec quelle star vous pourriez tromper votre mec ou votre nana. Moi, j'en ai trois aussi. Amir, t'en as aussi? Oh. Et puis, allez-y avec le hashtag Le Night Show. On part sur trois stars, mais vous avez le droit et votre mec ou votre meuf n'a le droit de rien dire. Voilà. Allez-y, appelez-nous, on fait de la radio ensemble, bougez pas. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. C'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Banzai Noodle de Lustu Cru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustu Cru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, bougez plus. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi avec Orange Cash en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Fun Radio. Why don't you give me your love? Radio. Le son dance floor. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, all I know a sad soul, sad soul. Minuit. Marion et Anso, le Night Show. Sur Fun Radio. Avec quelle star vous pourriez tromper votre mec ou votre meuf? C'est la question qu'on vous pose. Continuez, vous êtes hyper nombreux à réagir sur les réseaux, ça fait plaisir. Je sens que vous êtes là ce soir. Merci beaucoup. Et Anso. Bienvenue. Moi, déjà, je suis célibataire, donc je suis ouverte à toutes les propositions des gens que je vais citer. Dis-nous. Déjà, vous le savez, je suis absolument fan de ce gars, Justin Timberlake. Ah ouais. La machine à tube. Voilà. Et surtout, le gars, plus il vieillit, plus il est sexy. Il a un style de ouf, il danse hyper bien. Ah et bah en lui, plus, sa meuf est pas terrible. Lui, il est smooth, pour le coup. Ah, lui, il est vraiment smooth. L'autre, Jean Dujardin, parce que Jean Dujardin, lui, c'est pareil, il est de plus en plus sexy, quand même. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu un queutard. Du coup, ça me dégoûte un peu. Bah non, il est avec la Péchala. Il est casé, maintenant. La danseuse. Ouais, il vient d'avoir un bébé et tout, ouais. D'accord. Bon, okay. Et puis l'autre, c'est Antoine Griezmann. Hein. Ouais. Un peu petit, mais très mignon. Ouais, bon, enfin, comme je suis pas bien grande. Ouais. Ça se voit pas beaucoup. Ouais, oui. Il est en couple, il a un enfant même aussi. Mais bon, je lance un appel, c'est ton jamais. Après, c'est du fantasme. Amir, il te regarde en mode désolé, il est en couple. Enfin, on sait bien que ça va pas arriver, tu vois. Oui, non, mais moins de chance. On a Théo de Paris qui est avec nous. Bonsoir, Théo. Salut toute l'équipe. Ouais, salut à toi. Ça va, Théo? Ça va très bien, et vous? Ouais, très bien. T'as 14 ans, toi. Ouais. Et alors, quelle star te fait fantasmer un peu? Ah, moi, c'est Rihanna. Ah, bah ouais, j'avoue. Alors là, je vais m'adresser à tous les garçons de cette équipe. S'il y en a un seul qui est pas d'accord avec moi, c'est qu'il est pédé, c'est sûr. Oh non. Déjà, on dit pas ça. Ouais. Mais les gars, regardez, sans boule, arrêtez. Ouais. Ah, mais on dit pas ça. Imagine elle twerk devant toi. Bah après, voilà. Tu sais, il y en a qui peuvent la trouver vulgaire. Ouais. Moi, j'aime bien aussi ce côté provoque, mais il y a des garçons, bah oui, c'est pas du tout leur cam. Hein. Tu vois, genre Enzo, je suis sûr que c'est pas trop ta cam. Pas trop, mais j'avoue qu'un bouche son boule, ça me dérange pas. Ouais, bah oui. Ah, arrête, voilà. Enzo, arrête. Non, mais en fait, avec elle, je pourrais trouver ma meuf, vraiment. D'accord. Je me pose un veto sur ça. Mais même ma mère, quand elle la voit à la télé, elle dit mais qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Ouais. Je trouve que ma mère, elle a fond sur Rihanna en fait. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Théo, on t'embrasse, mon chat, merci de nous avoir appelé. De rien, salut. Bisous. Bisous. Ça va, bisous. Amir. Oui. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs stars qui te font fantasmer? Alors, moi, il y en a pas trois, il y en a pas deux, il y en a une seule. Attends, il n'y a qu'une seule nana? Il n'y a qu'une seule femme. Mais t'es con toi, on te propose trois. Ouais, mais j'ai cherché. J'ai passé l'après-midi, je me suis posé. Non, il n'y en a pas. Alors dis, c'est qui? Virginie Efira. Ah ouais? Ouais, j'avoue. C'est la plus belle femme du monde. Et je me dis que parmi toutes les personnes qui écoutent Fun, il y a forcément une personne qui connaît quelqu'un, qui connaît Virginie Efira. Et alors? Et qui du coup pourrait lui dire. Et tu crois que parce que attends, j'imagine Virginie Efira dire avoir un appel d'un pote dire t'as écouté Fun Radio, il y a Amir des réseaux sociaux qui est à fond sur toi et qui fantasme sur toi, tu crois que la meuf va débarquer pour passer la nuit avec toi? Bon voilà. Ah bichon. Ça c'est OK, pas. Virginie Efira en tout cas moi j'aime bien parce qu'elle a un côté fille gentille quoi, puis elle est drôle. Pas vulgo, elle est magnifique surtout. Ouais, elle est pas mal. Thibaut à l'arrière. Moi c'est Priscilla Betty, mais alors c'est une vraie histoire d'amour entre elle et moi. Pourquoi? Mais genre elle le sait pas mais genre on est amoureux, enfin c'est sûr. La première fois que je l'ai vue à la télé, quand il y avait une petite émission, et bah c'est la première fois où j'ai eu une goal. Oh là là, là la classe de Thibaut. Mais quoi. Non, mais c'est super mignon, c'est super beau. Genre c'est la première fille qui m'a fait comprendre que bah il se passait quelque chose en dessous de la ceinture. Quoi. Mais attends, mais elle avait 12 ans en plus quand elle s'est fait connaître. Mais moi aussi j'avais genre 10 ans. Ouais, d'accord, c'est massant cette histoire. Mais c'est vrai qu'elle est devenue bombasse. Hein. Ah ouais. Elle est magnifique dans Danse avec les stars. Là, elle avait un corps. Même elle fait flash dance, la comédie musicale. C'est abusé d'être comme ça. Ouais, ça m'agace. Ouais. Tous ces muscles, ça m'énerve. Il y a Arthur de Caen qui est avec nous. Bonsoir Arthur. Bonsoir toute l'équipe, comment ça va? Ça va et toi? Cool. Ouais, ça va. Alors dis-nous, la star qui te fait fantasmer? Ah moi, la star qui me fait fantasmer, c'est Selena Gomez. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est belle Selena, c'est un truc de malade. Mais est-ce qu'elle a pas un côté un peu trop proprette aussi? Non, pas du tout. Hein? Non. Elle a pas un côté j'arrive, je suis gna gna gna et je bois que de l'eau pure et tout ça? Tu dis ça parce qu'elle a fait Disney Channel et que voilà, elle a un public un peu jeune, tout ça, mais moi je suis pas d'accord, elle est magnifique, elle est sexy et franchement, non, j'aime bien. Bon bah écoute. Écoute Arthur, peut-être qu'il y a des auditeurs qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent Selena Gomez aussi, tu vois? Ouais, ça m'étonnerait ça. Arthur, on t'embrasse, mon cher, on le prend. Ouais, bisous. Bisous. Bisous. L'équipe, je vais vous poser des questions. C'est le t'y vas ou t'y vas pas du soir. Ouais. Je vais vous proposer des artistes. Vous allez me dire si vous pourriez y aller ou pas. Ok, vas-y. Ouais. Amir, Shaim, t'y vas ou t'y vas pas? J'y vais. Normal. Anso, Zlatan, t'y vas ou t'y vas pas? Bah, depuis qu'on s'est rencontrés aux États-Unis cet été, évidemment, j'y vais, quoi. Ah, il t'excite? Non, mais bon, c'est Zlatan, quoi. D'accord, pour la terre. Tu te refuses pas, Zlatan, quoi. Thibaut à la réa, Jean-Marc Morandini, t'y vas ou t'y vas pas? Bah non, évidemment. Ah, je sais pas, je pose la question. Enzo du Standard, Angela Merkel, si tu sais qui c'est, t'y vas ou t'y vas pas? Oui, j'adore les Allemandes. D'accord. Yannick du Standard, Marion Cotillard, t'y vas ou t'y vas pas? Ouais, évidemment. Ouais, c'est vrai qu'elle est sexy, Marion. Elle est très très belle, Marion Cotillard. J'aime beaucoup. Anso, Nico Saliagas, t'y vas ou t'y vas pas? Je sais pas, ouais, je crois que j'y vais quand même. Ça va, Lou? Ouais, j'y vais parce que j'ai la dalle. D'accord. Bah, oh, il est pas mal. C'est un beau gosse, Nico. Oui, il est beau gosse, mais il est beau gosse. Si, si, il est sexy. Pépère. Ouais. Passepartout, t'y vas ou t'y vas pas? Bah, bien sûr. Bah oui. Anso, bah, oui. DJ Snake, dis la vérité, t'y vas ou t'y vas pas? Ah, je suis pas sûre d'y aller pour Snake. Oh si, là. Ah là là. Si, peut-être que j'y vais. En fait, j'en sais rien. Mais Snake, j'ai envie que ce soit mon meilleur ami en fait. Donc tu couches pas avec ton meilleur ami. Oh si, arrête. Bon, il a un côté bestial. Bon, enfin, cela dit, il vient me voir. Il me dit, viens, on passe la nuit ensemble. Je crois que je lui dis et pas. Et toi, non, Marion, t'y vas? Ouais, je pense, ouais. C'est pas ma cam, mais je trouve qu'il a un côté quand même. Je fais ce que je veux de toi, quoi. Pas ta cam, la meuf est en train de baver, quoi. Arrête. Thibaut Alaréa, Nabila, t'y vas ou t'y vas pas? Ouais, franchement, j'y vais. Ouais, je comprends. Mais alors, je me fais plaisir. Elle est archi bien foutue, Nabila. C'est abusé. Enzo. Ouais. Zaz, t'y vas ou t'y vas pas? Ouais, j'y vais, elle a un petit boule, hein. Amir, Magloire, t'y vas ou t'y vas pas? Oui, vas-y. Bah quoi? Des expériences nouvelles? Mais ou non, bah, pas avec Magloire, non. Yannick du Standard, pour la perf, Geneviève de Fontenay, t'y vas ou t'y vas pas? Ah, je pense qu'elle peut être chaudasse, donc. Arrête! La pauvre Geneviève, puis. Attends, elle a plus de 80 ans, quoi. Bah, et alors? Bah, je sais pas. Quelqu'un a envie de coucher avec quelqu'un de plus de 80 ans? Ils ont une vie sexuelle, hein? Bah, oui, mais pas avec nous, quoi. Anso, justement. Amir, mais sans ses gros sourcils, t'y vas ou t'y vas pas? Sans ses gros sourcils? Ouais. Ah bah non, de toute façon, je veux faire l'amour à ses sourcils. De toute façon, c'est vrai qu'on te charrie souvent, Amir, mais sans tes sourcils, tu serais pas le même et je crois que tu serais moins beau. Mais il y avait des photos de Amir sans ses sourcils et c'est vrai que c'était quand même malsain, quoi. Ouais, ouais. Bah, ça faisait étrange. Ouais, ça faisait bizarre. Ouais. On n'aime pas. Ah, on a, c'est ma patte. On a Laura de Brest avec nous. Bonsoir, Laura. Salut, Marion. Salut, Anne. Salut, toute l'équipe. Ça va, Laura? Oui, ça va, et vous? Ouais, très bien. T'as quel âge, toi? J'ai 14 ans. À 14 ans, qui te fait fantasmer à ton âge? Justin Bieber. Ah ouais. Ouais. Bieber, ouais. Surtout mais... qu'il vieillit bien. Non, mais c'est ça le truc. C'est que Justin Bieber, moi, il y a eu un cap au tout début. Quand il allait chanter Baby, je captais pas du tout le délire. Ouais. Et puis là, maintenant, il est passé à Love Yourself. Et puis, bah, moi, je me tiens plus, quoi. Non, mais tu sais, il s'entretient vachement, il fait du sport et tout. Franchement, il vieillit vachement bien, quoi. Par contre, Justin, si tu nous écoutes, reviens sur Instagram. Remets des photos de toi torse nu. Ouais. C'est inacceptable d'être parti de ce réseau social. Eh ben, on va lui dire, il est en concert à Paris, là, cette semaine. Ah, ben, on va s'en occuper. Puis, avec comme on a prévu de le voir, en plus, c'est cool. Laura, on t'embrasse. Est-ce que je peux faire une dédicace? Oui, vas-y. Je fais une dédicace à Fanny et à Amir des réseaux sociaux que j'aime plus que tout. Oh, oh ben... t'es un amour. Moi aussi, je t'aime. On vous embrasse. Bisous la beurre. Bisous. Bisous. J'aimerais qu'on pose la question à une petite auditrice qui est venue de Suisse pour nous voir ce soir. Comment tu t'appelles déjà, chérie? Nali. Et alors, dis-nous, quelle star, toi... Dis-toi que ta maman n'écoute pas, elle est là, elle va se boucher les oreilles. Quelle star te fait un peu fantasmer à ton âge? Orlando Bloom. Ah ouais, j'avoue, Orlando Bloom. Mais ah oui, c'est vrai, lui, dis donc. Bah, je sais pas, il est... Non bah, ouais, Orlando beau. Bloom. Attends, si, ouais. Orlando Bloom, alors... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qu'on a vu tout nu cet été à l'île de Ré. C'est le mec de Katy Perry. Ouais. Ouais. Ouais, non, si, il est pas mal, mais je trouve qu'il fait daron. Il a 14 ans. Bah ouais. Et Pirates des Caraïbes et tout, quoi. Ouais, ouais, si, si, un petit délire. Tu sais quoi, Orlando Bloom, il sent la sueur. Il sent le parpaing posé en plein soleil, tu vois ce que je veux dire? Non, vous me suivez pas. Hein. C'est Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Merci. Ah oui, voilà. Si, c'est vrai, il a raison. Mais bah, il a une autre tête dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, d'un coup, ça me parle. Ouais. On a David qui est avec nous aussi. Bonsoir, David. Bonsoir. Est-ce que vous êtes content d'être là? On est content d'être là. Non, mais c'est pas ça. Arrêtez, c'est pas ça. Je suis d'accord avec Amir. Maintenant, on va arrêter de le faire si vous n'êtes pas précis. Ah, mais demain, il y a un mec qui va venir. Vous êtes là. Ouais. Non, c'est déjà arrivé. Est-ce qu'on est content d'être là? Mais c'était bien tenté, Bichon. Vas-y, refais-le, si tu veux. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors David, dis-nous. Et moi c'est Clara Morgan, hein. Ah ouais. Ah ouais. Moi si, c'est une belle femme. C'est une belle femme. Je comprends pas que tous les mecs ne trouvent pas Clara Morgan vraiment belle. Ah maintenant, voilà. c'est plus elle la meilleure. Elle est actrice de films porno, les gars. Non, David, ça fait hyper longtemps qu'elle est plus actrice de films porno. Elle fait. Ouais, non, mais bon. Elle fait des calendriers qui sont effectivement très très beaux. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'en plus, elle est naturelle, elle n'est pas refaite. Et sincèrement, elle a un beau corps. Après, voilà, moi, je suis pas fan mieux. De ce genre de beauté, mais pourquoi pas. Elle est quand même pas mal. David, tu es toi-même en possession d'un calendrier de Clara Morgan? Si vous me l'offrez, il n'y a pas de souci. Bah alors, on n'en a pas là, mais bon. On peut te trouver ça, hein, s'il n'y a que ça qui te ferait plaisir. Bah, on va l'acheter, quoi. Bah, oui. Ah bah, ça me dérange pas. Hein. Eh bah, mon pote, laisse-nous le temps de le trouver, et puis bah, on t'envoie ça. Ok. Est-ce que je peux faire une petite pub et une petite dédicace? Bah écoute, t'es chez toi, David. Allez, donc je fais une petite pub pour la page Machine Gaming, qui est une page où on fait beaucoup de vidéos sur GTA. Et je fais une petite dédicace à Meryl et à Jonathan. Eh bah c'est passé. En parlant de gaming, je vous rappelle qu'on a un grand concours là sur Twitter. Allez-y, vous retweetez le visuel et vous gagnez quoi, Amir? Des manettes, en fait, c'est un lot avec Scuf. C'est hyper cool, c'est des trucs, des manettes personnalisées, c'est vraiment les meilleurs, c'est les tops. Okay. Donc il retweet et puis peut-être qu'il sera sélectionné. Ça marche, merci Amir. On t'embrasse, Bichon. Bisous David, merci de nous avoir appelés et restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, qu'est-ce que c'est? Le Pourquoi tu m'appelles. Voilà, tous les soirs aux alentours de 23h, c'est le Pourquoi tu m'appelles. On revient juste après Alex Ayono sur Fun Radio, c'est bon ça. Baby, I like your style. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, I need one dance. Got Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher power's taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita. Piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un man ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura que we we. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. I need one dance, yeah. One more time before I go. Higher powers taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. Allez faire un tour sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Les copains, on vous a mis des nouvelles vidéos. Il y a du Pourquoi tu m'appelles, il y a du Pokélost, il y a les vidéos avec Black M et il y a surtout la vidéo du Ouija qui marche pas mal. Vous la partagez vachement et vous êtes nombreux à nous demander si on refera une spéciale paranormale, tout ça. La réponse est oui. On vous prépare un énorme délire, plein de surprises avec deux intervenants. On va flipper, on va se faire peur. Je vous promets pas qu'on va refaire un Ouija parce qu'on n'est pas pour. Mais en tout cas, on va se faire flipper. Mais si vous avez des histoires, d'ailleurs, vous pouvez nous les envoyer par mail. Hein, Marion et Anso@sonradio.fr. Comme ça, on les lit avant, on flippe dans nos lits. Quoi. Pourquoi tu m'appelles ? Il est à l'appareil, j'ai appelé personne. Oh, mais je t'appelle pas, connard ! Bah, je t'ai pas appelé, ma grande. C'est dans le Night Show, sur Fun Radio. Ah oui, c'est chez nous que ça se passe tous les soirs aux alentours de 23h. Le Pourquoi tu m'appelles ? Vous appelez quelqu'un au hasard en France, vous dites Pourquoi tu m'appelles ? Il faut tenir plus longtemps qu'Anso ou moi, et bim, c'est gagné le casque beat. Sympa ? Ouais, c'est toujours cool, c'est de la bonne cam, ça, les casques beat. Hein. Oui. On joue avec Aurore d'Aix-en-Provence ce soir. Bonsoir, Aurore. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Ça va, Aurore? Oui, et toi? Ouais, très bien. T'as quel âge, Bichette? Alors, j'ai 19 ans. Voilà. 19 ans, d'accord. Tu es en études, tu bosses? Je suis étudiante, voilà. Je suis étudiante en licence espagnole et voilà. Ah, alors, ça veut dire que tu parles couramment espagnol, Aurore? Oui, alors, nous aussi. Hein. Est-ce que tu peux nous faire un jingle tous les soirs sur Fun Radio? C'est Marion et Anso, le Night Show. En espagnol? Ouais. Ah oui. Cool. Es Marion y Anso, el Night Show. Bah, j'aurais pu le faire, hein. Aurore, j'ai quand même, je suis un peu inquiète sur la licence d'espagnol, si je puis me permettre. Hein. Elle a l'accent, ça dit. Ouais. Bon, Aurore, chérie, tu veux jouer contre qui? Contre Anso ou contre moi, Marion? Non, contre Anso. D'accord. Okay. Eh ben, Anso, j'hésite entre deux choses. Vas-y. Bah, tu sais quoi, tu vas choisir ton handicap. Je vais te proposer les deux, tu me dis. Vas-y. Je pensais soit faire un truc, vu qu'on a Aurore à l'international, t'essaies de parler espagnol, anglais, ce que tu veux, ou alors, parce qu'elle me manque beaucoup, la petite fille cochonne. Bon, je vais faire la petite fille malsaine. Oh, ouais. D'accord, mais tu feras à l'international plus tard. D'accord. Ok. Ah, parce que maintenant, on se met des prix handicap, de trucs. Bon, Aurore, je me lance d'abord, et puis ensuite, tu iras, hein, le bon déroulé des choses. Pas de soucis. Je me fatigue. Allez. Bonne chance, Anso. Merci, petite caille. Fair play, en tout cas. Oui. Fair plus. Fair playos. Oui, j'écoute. Allô? Oui? Bonsoir, monsieur. Qui est l'appareil? Ben, vous venez de m'appeler, monsieur, donc c'est toi, hein. Pourquoi tu m'appelles? Mais qui est l'appareil? Eh bien, moi, j'ai 8 ans, et puis j'aime bien me malaxer les nichons. Oh, tu m'emmerdes. Et qui est l'appareil? Eh bien, monsieur, qu'est-ce que vous pensez, les enfants qui se mettent des trucs dans le zizi? Je comprends rien de ce que tu me dis, alors tu m'emmerdes. Eh, monsieur, il y a mon frère, il met des doigts dans la chatte. Mais je comprends rien de ce que tu dis. Et il met aussi des saucisses. Il met des saucisses dans mon vagin. Tu m'emmerdes. Et en plus, c'est des chipolatas, et j'aime pas quand elles sont aux herbes. Je sais pas qui c'est, alors je réponds pas. Et moi, je lui ai demandé des merguez. Allô, pourquoi tu m'appelles? Ah, j'adore, il était trop gentil, il s'énervait un petit tellement peu. Sympa. Mais... Et Yannick Ossonard, tu le rappelles, tu lui dis pardon. Ça marche. Combien de temps elle a fait? Elle a fait 1 minute et 2 secondes. Bravo, Anso. 1 minute et 2 secondes, Aurore, à battre. Franchement, c'est faisable. Bon. Tranquille. Oui, c'est faisable. Oui. Tranquille. Oui. Allez, es partidos. Partidos por la pelos del porqué de ma pelos. La camisa negra. Sí. Juanes. Vamos a la discoteca. ¿Cómo te llamas? Me llamo Angelo. Te quiero. Me tú, te quiero tú. Oui, hello. Oui, bonsoir monsieur. En fait, je vous appelle parce que mon téléphone vient de sonner à l'instant et en fait, je voulais savoir pourquoi vous m'appeliez. J'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, j'ai eu un appel sur mon téléphone et en fait, je ne comprends pas pourquoi. Bah enfin Aurore, il faut se battre un peu. Oui. Ok, au revoir. Il faut les retenir les gens. Elle a paniqué. Bah oui, je comprends bien. Mais je pense que c'est un peu serré. Thibaut Alaria, combien elle a fait? C'est la première fois que je vois ça ici dans le Night Show. Pour moi, personnellement, c'est une égalité parfaite. 1 minute et 2 secondes. Ah, alors. Dans ces cas-là, Aurore. Quoi? Et de là, on a reçu plein de messages sur la page Facebook, sur Twitter et tout. C'était un truc de fou. Vous avez envie d'en parler? Eh bien, allons-y. 01 42 48 5000. On fait ça juste après Major Lazer et Justin Bieber sur Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. Different places, I will still be patient with you, and I hope you know I won't let go. I won't let go. No, no, no, no, no. I'll be alright fine tonight. I won't let go. I'll be alright tonight. Come on, come on, save me from a rocking boat. h 12, c'est Marion et Anne sur le Night Show. On est en direct. Il y a le Pokélost là qui va débarquer dans un instant. On vous offre vos ordinateurs portables dans le Pokélost. En plus, c'est marrant. Vous faites paniquer vos parents là en leur faisant croire que vous êtes perdus en train de chasser du Pokémon. Sympa. Ouais, c'est toujours sympa. On va s'écouter Zara Larsson aussi. On va parler cul. Mais avant ça, on voulait revenir sur un thème que vous avez adoré. Ça s'est passé mercredi dernier dans l'émission. En fait, on avait parlé de ça avec un auditeur qui s'appelait Florent. Il nous avait appelé parce qu'en fait, il avait 23 ans et il était attiré par une fille de 15. Donc c'était un peu compliqué, un peu délicat. Et vous avez été super nombreux à réagir sur le thème de la différence d'âge. Du coup, on s'est dit, bah, on va vous donner la parole. Bah oui. Si vous avez envie d'en parler, on en parle. Cette émission, c'est vous. Et du coup, bah, c'est encore vachement réagi. Il y a Marcos de Coulommiers qui est avec nous. Et Marcos, j'ai l'impression qu'il en a gros sur la patate. Bonsoir, Marcos. Salut à l'équipe. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors déjà, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 27 ans. Ok. Alors, est-ce que tu vis ou tu as vécu une histoire comme ça avec une grosse différence d'âge avec quelqu'un? Alors en fait, je la vis encore à l'heure actuelle, ça fait quasiment 10 ans qu'on est ensemble. Ok, 10 ans. Ah ouais, donc ça a démarré, t'avais 17 ans. Plus ou moins, ouais, j'avais quasiment 18 ans, presque. Oh là là, j'espère qu'elle n'était pas plus jeune. Elle a quel âge? Ah, elle a 41 ans, maintenant, à l'heure actuelle. Ah ouais, alors attends, elle avait 31 ans et toi 17, ouh là là. Ah ouais. Non, non, la grosse, elle avait bah, 14 de Turquie, 14. Moi j'avais 18, elle a à peu près 32, 33. Ah oui, mais quand même, hein. Ouais, voilà, ça fait un bail, hein. Et alors, comment ça s'est passé? Comment tu l'as rencontré? Oula, c'est compliqué. C'est dans le cadre de son travail, en fait. Elle était, à l'époque, elle était conductrice de bus. Et puis, bah, moi, je prenais le bus pour aller au bahut, au travail. Et puis voilà, on a commencé à se rencontrer, à discuter. Et puis, de fil en aiguille, on est devenus amis. Et puis, ainsi de suite, quoi. Et alors, ça l'a bloqué ou ça l'a pas bloqué? Parce que c'était quand même limite mineur, tu vois? Bah, à la base, c'est comme tout le monde, tu m'étonnes un peu sur ton âge. Ouais. Donc au départ, voilà, puis après, une fois que j'ai eu 18 ans, j'ai avoué la vérité. Donc après, ça l'a un peu calmé. Mais dans le sens où après, bah, c'est dit, de toute façon, écoute, on va voir comment ça se passe. C'est vrai que ça n'a pas été évident. Ouais, mais bon, maintenant. Bah ouais, la preuve que ça peut marcher et que ça peut être sincère, parce que ça fait quand même 10 ans qu'ils sont ensemble. Mais ça veut dire que toi, t'as quasiment pas connu d'autres femmes qu'elle, quoi. De relations sérieuses, non. Ah ouais. Hmm. D'accord, ouais, ouais. Ok, et t'es sûr que c'est la femme de ta vie? Bah tu sais, là-dessus, tu peux jamais être sûr à 100%, tu sais jamais ce qui peut se passer demain, hein, tu vois, y a des fois, il y a la différence d'âge qui se fait sentir, mine de rien. Hein. Voilà, moi j'ai 27 ans, des fois j'aimerais bien sortir, elle avait une situation un peu plus stable, elle a deux gamins de son côté, donc c'est assez complexe des fois, mais sinon non, parce qu'elle arrive encore à être jeune dans sa tête et moi un peu plus vieuse dans ma tête, donc ça compense, on va dire. Ouais, c'est l'équilibre. Si vous êtes heureux comme ça, Marco, c'est le principal. Merci beaucoup de nous avoir appelé pour partager ça avec nous, en tout cas. Ouais, pas de soucis, à bientôt. Bisous Marcos. Bah quand tu veux mon pote, hein. Pas de soucis. Oh, bon, on est là, on bouge pas, hein. Et puis restez avec nous si vous avez des histoires comme ça de différence d'âge, eh bien nous apprécions énormément. Bougez pas, on revient tout de suite. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Banzai Noodle de Lustucru. C'est super bon. Pratique, les banzai noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai noodles de Lustucru, banzai que c'est bon. Pour votre santé, évitez de grignoter. Salut, c'est Ritza. C'est David Guetta. Salut, c'est Amir. C'est Soprano. 1-2-1-2, moi c'est Black M. Dites donc, j'ai vraiment l'impression que c'est The Place to Be, le Night Show. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire avec quelqu'un qui avait une énorme différence d'âge par rapport à vous? C'est la question qu'on vous pose et on juge pas. Donc appelez-nous 01 42 48 5000. Si vous voulez passer en anonyme, c'est pas un souci. Mais nous, on veut de la grosse différence d'âge. Hein. 2-3 ans, ça nous intéresse pas. Ça arrive à tout le monde, ça. Bah oui, évidemment. Nous, on veut du 20, du 30 ans, du malsain. Ah, oui, Thibaut à l'aria. Moi, j'avais chopé une meuf de 70 ans au camping. Je te crois pas. Ah, mais si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Il a embrassé une meuf de 70 ans. Ouais. Si. Mais pourquoi? C'était un défi? Alors, en fait, la contrepartie, c'était elle m'avait dit si tu m'enroules une pelle, et bah tous les soirs je m'occupe de payer l'apéro, le saucisson, un coup à boire et tout ça. Ah, c'est elle qui voulait t'embrasser? Ouais. Et tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. Et Denise. C'était comment? C'était horrible. Franchement, c'était horrible. Ah, pique, attends, avec la langue et tout? Ouais, avec la langue et tout. Mais tu lui as roulé une pelle? Ouais. Excuse-moi, tu t'es vendu en fait, hein, pour avoir des apéros gratuits? Clairement, ouais. Ah bah bravo Thibaut. Et je trouvais ça drôle en plus. Elle a tenu sa promesse avant. Ouais, tous les soirs elle passait avec son petit coup à boire et puis son petit saucisson, c'était cool. Ah, elle est malsaine, hein. Bah, et Thibaut, il est pas malsain, toi? Bah, Thibaut, il était jeune. Bon. Il y a Laura de Lyon avec nous. Bonsoir Laura. Bonsoir les filles, bonsoir à toute l'équipe. Ça va Laura? Ça va très bien et vous? Bah ouais, très bien. Raconte-nous ton histoire, tu as quel âge? J'ai 27 ans. Ok, et tu vis avec quelqu'un qui est plus âgé, plus jeune? Je ne vis pas encore avec, mais j'aimerais bien, avec un garçon un petit peu plus jeune que moi. Mm-hmm. Il a 17 ans. Ah ouais? Ah ouais, c'est chaud quand même. Bah là, on rentre dans un sujet un peu chaud, parce que du coup, c'est quelqu'un de mineur. Alors, ça fait combien de temps que tu es avec lui? Ça fait 1 an et demi. Ah ouais, donc en plus, il en avait 16. Voilà. Mais vous vous êtes rencontrés où, Laura? En fait, je lui donnais des cours, je faisais du soutien scolaire. Mmh. Ses parents qui m'ont engagée. Bah, ils doivent être contents, les parents. Ouais. Ah, ils le regrettent un peu aujourd'hui. Mais alors, dis-nous honnêtement, la différence d'âge, tu la sens pas quand même dans la maturité, dans, je sais pas, à 16 piges, toi t'en avais 25, 26, enfin quand même. Ben, en fait, moi je suis, bon, sans me vanter, je suis assez jeune, dans ma tête surtout. Et lui, il est assez... il est un peu plus vieux que mentalement, les garçons de son âge. Donc du coup, ça faisait comme l'auditeur d'avant. Mais du coup, ça s'emboîtait bien, quoi. Sa famille, ses parents sont au courant, la tienne aussi? Moi, mes parents s'en fichent, parce que je suis majeure, donc ils s'occupent plus de moi. Mais ses parents, ils ont du mal à accepter, quand même. Parce que ils s'en veulent un petit peu, c'est eux qui nous ont... Bon, après, ça, c'est le genre de différence. Mais en même temps, c'est le genre de différence d'âge quand t'auras genre 33, 34 ans et que lui aura 25 ans, ce sera peut-être un peu moins. C'est facile à dire, ça, Anso. Oui, mais. Il avait 16 ans, quoi. Ah, ben, je sais, mais il avait 16 ans. Et à un moment donné, c'est toujours pareil, la différence d'âge, quand les deux vieillissent, c'est toujours un peu moins choquant, quoi. C'est que 10 ans, en fait, quelque part, tu vois. Je sais, mais moi, je me dis, à 16 ans, toi, tu vois la personne plus vieille, forcément, t'as envie d'y aller, c'est un peu une perf, c'est un peu un fantasme. Et je pense que dans ces cas-là, sans te juger, Laura, vraiment, mais je pense que c'est à la personne qui est un peu plus vieille de se dire, oula, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je vais pas m'embarquer dans un truc, tu vois? Après, t'as des sentiments, tu les contrôles pas, quoi. Mais le risque, c'est le moment où tu voudras peut-être un enfant et que lui, bah, il sera pas prêt à ça, quoi. Ah ouais, bah, oui, pour l'instant, on n'en parle pas encore. Bon. Bon, bah écoute, si vous êtes heureux comme ça, encore une fois, c'est votre problème et tant mieux. Après, ouais, juste fais attention parce que je pense qu'à un moment donné, vos différences, elles peuvent aussi vous rattraper. Par exemple, ses amis, est-ce que ce sont tes amis? Est-ce que tu arrives à t'intégrer avec eux? Pas tous en fait, parce qu'il y en a qui comprennent pas, ils sont comme ses parents. Mais la plupart de mes amis, bon, l'ont bien intégré. Ils font pas. Mes amis en général, ils font pas la différence. Bon, eh ben écoute, tant mieux pour vous en tout cas. J'espère quand même que ça va durer et que vous allez être heureux surtout. Bah merci beaucoup. Laura, on t'envoie plein de bonheur dans ta face. Merci à vous aussi. Ciao. Il y a Seb aussi qui est à Tours. Bonsoir Tours. Bonsoir les filles, comment ça va? Oh, jolie voix le Seb. Ça va et toi? Merci. Très bien, merci. D'ailleurs, je voulais vous demander, on va essayer de bien la faire. Est-ce que vous êtes content d'être là? Mais non. Alors, on la refait. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Là, oui. Fallait bien la foirer une petite dernière histoire de. Dis-nous, Seb, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Moi, à 33, je sortais avec une fille de 48. Waouh! Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, voilà. Ouais, on est sur un petit 15. Hein. 15 ouais, ans. 15 ans d'écart. Et alors, c'était un fantasme pour toi, une fille plus vieille, ou c'est juste elle, t'es tombé amoureux? Bah non, c'était pas spécialement un fantasme, ça s'est trouvé comme ça. On s'est rencontrés, elle m'a plu, je lui ai plu, et puis voilà quoi, de fil en aiguille, on attend de sortir et discuter, bah on a fini par se mettre ensemble quoi. D'accord, et du coup, pareil, ton entourage l'a bien pris, tout le monde a accepté? Bah disons que bah, mon entourage me disait que c'était mon problème à moi quoi, ça les regardait pas déjà à la base, donc non, personne n'a vraiment jugé quoi. Bon, après, comme disait l'auditeur de tout à l'heure, le problème de la différence d'âge, c'est qu'après, on n'a pas forcément la même vision des sorties et ouais, tout ça. Donc, c'est ça. C'est ça, surtout. Je pense que c'est le plus gros problème, d'ailleurs. Mais elle, à la limite, dans ce sens-là, je veux dire, à 48 ans, si elle était célibataire, elle n'était pas mariée à l'époque. Bah, elle était divorcée. Ouais, donc je pense qu'elle avait un peu envie aussi de retrouver sa liberté, sa jeunesse. Donc, à mon avis, elle était branchée sortie et tout, non? Bah, pas tant que ça, justement. C'était d'ailleurs, je pense, le problème de la séparation de la suite, quoi. Non, elle était plus casanier que mode sortie, quoi. Mais elle avait des enfants? Oui, mais qui vivaient pas avec elle. Mais quel âge? Oh, alors là, je sais pas, je les ai jamais vus, ces enfants, mais je crois qu'ils étaient déjà majeurs. Ouais, mais alors Seb, je suis sûre que la France se pose la question. Une femme qui approche la cinquantaine, sexuellement, est-ce que c'est mieux qu'une jeunette ou pas? C'est complètement différent, ça c'est clair. Ouais, non, c'est pas que c'est mieux, c'est totalement différent, mais ça peut être mieux quand même niveau pratique, quoi. Ils ont quand même plus d'expérience forcément, donc si c'est clair. Et ça a duré combien de temps? Pendant un peu plus d'un an. D'accord. Bon, ça a pas duré très très très longtemps, mais comme je vous dis, c'est le fait des sorties, tout. Je pense qu'elle voulait me tenir plus un peu prisonnier, à rester à la maison et tout, puis c'était pas forcément mon truc, donc. Ouais, je comprends ça. Donc les relations se sont pas forcément arrangées comme ça, quoi. Eh bien, écoute, tu nous as donné également une autre vision du couple avec un écart d'âge. Hein. Voilà, merci Seb. D'ailleurs, pour ça, Seb. Je peux passer une petite dédicace, les filles? Oui, bien sûr. Donc je fais une petite dédicace à Didou qui j'espère m'écoute et puis à toutes les filles qui sont entre Tours et Saumur, différence d'âge ou pas, et bah je pense que le standard Fun Radio en mode annonce matrimoniale vous écoutera. Alors tu recherches une petite meuf entre Tours et quoi? Entre Tours et Saumur. D'accord. Voilà. Et puis, qui vous appelle au standard. Et puis, vous avez mon numéro. Ok. Bah, écoute, si vous êtes intéressé, Seb est très sympa. Il n'est pas contre une petite ou grosse différence d'âge. Il est marrant. Voilà. Et très il sait bien. Faire le est-ce qu'on est content d'être là. Voilà. Ouais. Et en plus, il est ouvert d'esprit. Seb, on t'embrasse. Tout à fait. Moi aussi, je vous embrasse. Je vous embrasse, l'équipe. Bon courage à vous et continuez. Bisous. Salut. Ciao. Salut. On a William aussi. William, il a 20 ans. Bonsoir, William. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Bonsoir, plutôt. Comment tu vas, William? Eh ben, écoute, ça va, toujours au poil. Eh ben, bienvenue sur l'antenne. Alors, au poil, non, ça, c'est cimetière des mots, ça, on oublie. On n'utilise plus. 2016, mon pote. Raconte-nous, pourquoi tu nous as appelé? Ben, écoute, en fait, moi, j'ai eu une histoire donc avec un homme, beaucoup plus vieux que moi. Ah ouais? Quel âge? Il avait 50 ans. Ah ouais, donc là, on est sur... la grosse, grosse différence d'âge. Vous voyez que je suis sur le calcul depuis tout à l'heure, 30 ans. Hein. 30 ans? 30 ans, pile. Enfin, quasiment 31 ans d'écart. D'accord. Quand j'ai rencontré. Et du coup, tu l'appelais papa dans l'intimité? Arrête. Ouais. J'étais obligée. Non. Même si des fois, on en déconne. Comment ça s'est fait? Comment tu l'as rencontré? En fait, c'est simple, c'est que dans le milieu homo, en fait, il y a les applis, tout ça, donc pour se rencontrer un peu. Oui. Et il m'avait envoyé un message. Bon, moi, au début, je ne répondais pas, tu vois. Enfin, bon, pourquoi pas. Puis sur le site, il avait écrit qu'il avait 43 ans. Ouais. Donc déjà, le mec m'étonne. Mais bon, moi, ça ne m'arrête pas. J'aime bien les mecs plus âgés, tout ça. Il avait l'air sympa. Bon. Puis donc, on s'est rencontrés, tout ça. Il m'a expliqué, bon, ce qu'il faisait dans la vie, tout ça. Donc, en fait, il bosse dans le milieu de la nuit. Et du coup, ce qui fait qu'il est vachement plus jeune dans sa tête. Et moi, j'avais tendance à être plus mature de base. Et du coup, de fil en aiguille, bon, on fait un peu... enfin, on ne sait plus. Ça a duré un an. Ça a quand même duré un an. Et du coup, bon, on a rompu pas par rapport à les différents âges, hein, c'est par rapport à d'autres choses. Hein. Ouais, mais dis-nous la vérité quand même. Annoncer à tes parents que tu sors avec un mec de 50 ans, ça ne doit pas être évident. Alors, disons qu'en fait, j'aurais fait comprendre, j'aurais pas dit, je leur ai dit, j'ai vu un tel, voilà, j'ai sorti un petit peu avec lui, tout ça, et mes parents rigolaient en disant, ah, c'est ça, tu vas sortir avec un vieux, tu vas voir, ça va être cougar, quoi. Puis bon, j'aurais fait comprendre que je le voyais assez souvent, quoi. Et à mon avis, ils ont bien compris. Parce qu'ils m'en ont plus parlé après. Et ils sont ouverts, ça va, ils sont cool. Ouais, ils sont super ouverts. Même si, de temps en temps, l'ouverture à la limite. Ok, ouais, c'est normal, en même temps, on peut comprendre. Et en tout cas, 30 ans, c'est la plus grosse différence de la soirée. Bravo, mon pote, bravo. Je pense qu'on peut t'applaudir. J'ai gagné quelque chose, quoi. T'as gagné un pack Fun Radio, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà ça, je prends. Merci de nous avoir appelés. Je peux faire une petite dédicace, vite fait? Évidemment. Super, une petite dédicace rapide. Donc, je te fais un gros bisou, Gab, Max, Mathilde et Manu, je vous fais des gros bisous et puis on a passé une super journée. On t'embrasse, on embrasse tous tes potos. Je vous fais un gros bisou à tous aussi. Bisous. Salut. Merci, ciao. On va se faire pour finir un petit tour de table. Vous allez me dire, chaque membre de l'équipe, la plus grosse différence d'âge en année que vous avez fait, ok? Ok. Anso, 13 ans. 13 ans? Ouais. C'était qui déjà? C'était quoi? C'était l'année dernière. Je vous avais dit que j'avais une histoire avec un jeune. Ah oui, plus jeune. Ouais, il avait 19 ans. Pauvre de lui. Amir. 14 ans. Wow. Et c'était qui? J'avais 13 ans, elle en avait 27. Arrête, c'est malsain. 13 ans, 27, c'est quoi cette histoire? Ouais. Mais 13 ans, 27? C'était un bisou, je te jure. Ah oui, mais c'est pas une histoire. Mais même n'importe quoi, 27 ans, t'embrasses pas un enfant de 13 ans. C'est ça, Amir. Mais mec, va porter plainte. C'est pas possible, 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans, elle en avait 27. Mais pourquoi elle a fait ça? Je sais pas, elle s'appelle Jessica en plus. Le pauvre. On lui pose une question, il se fait défoncer. Mais non, mais 13 ans, 27 ans, qu'est-ce que c'est que cette meuf, quoi? Bon, bref, Enzo. Moi, quand j'avais 13 ans, j'ai embrassé une fille qui avait 18 ans. Bon. Wow. Ouais, petite personne. Un bisou, ouais. Ok. Thibault Larrea. Moi, du coup, il y a cette fille qui avait 70 ans quand moi j'avais 18 ans, mais sinon, vraie histoire, 3 ans d'écart. Ouais, mais quand même, on va garder celle de 70 ans parce que ça fait quand même. Du coup, attends, t'avais 18 ans, donc ça nous fait quand même du. 50 ans. Oh mec, c'est dégueu, ça pourrait être. Oh. Ça me dégue, franchement. Yannick du standard, t'as mieux ou pas? Non, du tout. Moi, j'ai la phobie de l'écart d'âge. Ah bon? Ouais, c'est mon âge et pas moins, pas plus, vraiment. Bah mec, c'est compliqué là. Tu mets des barrières. Ouais, je suis très compliqué, mais je ne peux pas. Ça me répugne. Même un an d'écart, t'as jamais fait? Non, vraiment, un an d'écart, je ne peux pas. Et excusez-moi, est-ce que ce serait pas le gars qui a le plus de phobie au monde? Qu'est-ce que c'est que cette phobie? Si elle est née en fin d'année, la pauvre, elle a un an de plus que toi. Qu'est-ce que tu peux? Je sais pas. J'ai peur. L'âge, ça me fait très peur, vraiment. D'accord. Mais... on va essayer de soigner ça, mon pauvre. Bon, on va rester avec nous dans un instant sur Fun Radio. Il y a le Pokélos qui arrive. On va aussi parler cul avec vous dans un instant. Peut-être que du coup, on va découvrir une nouvelle phobie de Yannick du Standard. Et puis 01 42 48 5000, le numéro est totalement gratuit pour faire de la radio avec nous. On se retrouve juste après Sib. C'est Brice sur Fun Radio. Oui, ça veut dire respire. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. The kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Don't try. On est encore ensemble pendant quelques minutes là en direct jusqu'à minuit. Hey, je vous entends pas, Night Show. Ouais, est-ce que t'es là, Marion? Ouais, je suis là. Je t'entends pas, Thibaut, à l'arrière. Bah, je suis là pourtant. Eh ben, 01 42 48 5000. On parle de Fionfion avec vous dans un instant. Bougez pas. Le Pokélost. Sur Fun Radio. Vous faites croire à papa ou maman que vous êtes perdu en train de chasser du Pokémon et vous repartez avec votre ordinateur portable, c'est quand même cool. Bah oui, Gabriel qui joue avec nous ce soir, t'as déjà un ordi toi? Ouais, mais il marche plus trop. Eh bah voilà, ça tombe bien. Parfait, ouais. T'as quel âge? J'ai 16 ans, j'habite à Meaux. Ok, d'accord, tout se passe bien à Meaux? Ouais, tout se passe bien, ouais, la vie est cool. C'est à Meaux qu'on mange du brie? Oui, le brie de Meaux. Mm-hmm. Ah, je savais pas. Moi, je suis hyper calé en fromage, moi. Et est-ce qu'il y a du Pokémon rare à Meaux? Pas trop, parce qu'en fait j'habite dans un petit village à côté de Meaux et genre si je vais vraiment chasser des Pokémon, faut que j'aille vraiment sur Meaux ou dans les forêts et tout. Donc, d'accord, voilà. Ok. Et du coup ce soir tu veux piéger qui? Ton père, ta mère? Je veux piéger mon père. Ah c'est cool, ça fait longtemps qu'on n'a pas piégé papa. Ouais, voilà. Alors, présente-nous papa, il s'appelle comment, il a quel âge? Il s'appelle Carlos, il a 42 ans. D'accord, est-ce qu'il est du genre à paniquer ou à s'énerver? Plutôt à s'énerver. Parfait, on aime bien ça. Du coup, est-ce que tu as une stratégie, tu sais où tu vas être perdu et tout ça ou pas? Je veux dire que je me suis perdu dans les bois et que là, je me suis retrouvé dans un entrepôt désaffecté. Très bien. Ah, c'est bien l'entrepôt. Eh ben, écoute, on y va, on appelle papa. Carlos. Le PC portable n'est pas loin. Le caca, le horlourlos. Allô? Ouais, papa, c'est moi. Oui. Je te dérange pas? Non, vas-y. Dis, j'ai un problème, là. C'est que je suis parti, tu sais, à la chasse aux Pokémon. Ouais. Et en fait, je me suis perdu dans la forêt. Et je sais pas, j'ai voulu aller dans les champs et tout, à côté de la maison. Et je suis allé dans une forêt. Et là, je suis à côté d'un entrepôt désaffecté. Et du coup, je voulais choper des Pikachu, des Rattata et tout. Mais là, je sais plus. Là, à ce temps-là, mais t'as pas autre chose à faire, là? Bah non, j'étais parti chasser des Pokémon, il me manquait un Pokémon rare et du coup, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais, et t'es où alors? Bah je sais pas, si tu peux du coup télécharger l'application Pokémon Go parce que là... Quoi? Bah ouais, mais là je sais pas, je suis paumé. Écoute, tu veux que je fasse quoi moi avec Pokémon Go là? Bah je sais pas, mais... Je vais pas te chercher avec le Pokémon, hein. Bah je sais pas, mais c'est moi pour me retrouver parce que là, il y a des gens bizarres dans la forêt là, il y a des pédophiles et tout... N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Non mais il y a des gens bizarres là, il y avait un mec tout à l'heure, il est passé, il avait le bras amputé. Ouais, ouais, bon. Je crois que toi t'as trop fait de Pokémon, je crois. Donc j'essaie de voir si tu peux venir me chercher. T'es où? Bah je suis dans une forêt. Dans une forêt, Gabi, t'es où là? Il y a une statue dans la forêt là, une statue bizarre. Tu es parti d'où? Je sais pas, y a une voiture à côté et tout. On m'a déposé après à côté d'un entrepôt. Mais dans quelle ville? Je sais pas, je dois être à Vignolis. Je sais pas, c'est bizarre. Et là, je commence vraiment à avoir peur, là. C'est noir. La statue à Vignolis. Bon, bah j'arrive. Hein. Faut que tu me dises où c'est. Je sais pas, comment tu veux que je te retrouve, moi? Bah je sais pas. Ah bah moi non plus, je sais pas. C'est marrant, toi. Ouais, est-ce que tu peux monter dans ta voiture? Ça va me rassurer. Et tu peux venir me chercher? Non, faut que je trouve les clés. Oui, je viens, j'arrive. Mais dis-moi où t'es, je sais pas où tu es. Bah, j'essaie de t'envoyer la position, là, mais j'essaie de t'envoyer ça. Qu'est-ce que tu me fais comme galère, toi, là, encore? Il y a une statue, là, grande, bizarre, en pierre. C'est vers Vignoni, ouais. Ouais, il y a un entrepôt désaffecté. Ouais, mais c'est pas un entrepôt désaffecté, c'est le truc d'agriculteur. Donc si tu peux venir le chercher. Oui, mais bah, j'arrive. Ah. Arrête tes conneries aussi, hein. C'est bon, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Bon, bah... J'arrive. Ok. Allez, à tout de suite. Non, mais faut... Allô, Carlos? C'est quoi ce truc? Carlos? Oui. Carlos? Oui. Ah, il m'entend pas, c'est dommage. Carlos? Oui. Carlos, bonsoir, c'est ne partez pas, hein, ne prenez pas le volant, tout ça. Hein. Vous êtes en direct sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show. Alors, j'aimerais saluer la sérénité du papa, ouais. Vraiment bien, qui s'énerve pas, qui dit ok, j'arrive. Franchement, bravo papa. Et franchement, vous êtes hyper cool, hein. Moi je me serais fait défoncer. Hein. Ouais, mais bon, mais c'est quoi le truc là? Alors c'était un jeu, il devait vous faire croire en fait qu'il s'était perdu en jouant à Pokémon Go, et si vous disiez bah j'arrive, comme vous l'avez fait, il gagnait. Bon, bref. Et donc du coup, Carlos, vous venez quand même de faire gagner à Gabriel un PC portable. Franchement canon, hein. Bon bah très bien, bon bah ça me rassure au moins. Bah ouais. De toute façon vous étiez pas bien inquiet, hein, on va pas se mentir. Non mais bon ils m'ont fait tellement que bon je suis surpris quoi. On est d'accord Carlos qu'on allait le chercher détente le mioche, hein. Bon, non, mais bon, ouais, bon, ok. Carlos, on vous embrasse, merci beaucoup. Ok, allez, bonne soirée. Bisous, Gabriel, bravo, bien joué. On t'envoie le PC portable à la maison, bisous. Merci, bisous. L'instant Fion débarque dans un instant sur Fun Radio avec cet auditeur qui s'appelle Jacques. Ne vous fiez pas aux apparences, Jacques a 14 ans. Ah. Il nous a appelé parce qu'il a surpris ses parents au lit. Alors il est un peu choqué, il a vu ce qu'il fallait pas voir, papa, maman, la position, tout ça. Voilà, pas facile, 01 42 48 5000 si vous aussi vous avez déjà surpris un membre de votre famille en train de faire l'amour. Ça nous intéresse, nous sommes des petits voyeurs. Anso, déjà surpris ou pas? Moi je me suis fait beaucoup surprendre, mais moi j'ai jamais surpris personne. Et pourtant Betty et Michel, mais ils y vont. Arrête! Mais que ça, il va, ça tape dans le fond et on y va. Allez Betty, allez! Mais ça allez. Va pas, un peu de respect quand même. On en parle juste après Zara Larsson sur Fun Radio. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning me on. I can't talk right now, I'm looking at a lock. What I'm seeing got me feeling kinda shock right now. Couldn't stop right now, even if I wanna gotta get it where it's at right now. To be rude, but Hey, 21, c'est Marion et Anso. Bienvenue si vous nous rejoignez. Là, on est contente d'être avec vous ce soir, comme chaque dimanche, et d'ailleurs du dimanche au jeudi. Grosse émission demain, après-demain. Après-après-demain et après-après-après-demain. Oh, bah, je pense qu'on a... jusqu'à la fin de nos jours même. Ouais, on a des invités quasiment chaque soir. Je vous referai le récap, mais il y a du Soprano, du Zao, du Golden Moustache et encore des surprises qui arrivent. Et bah, ça, c'est cool. Oui, madame. Est-ce que ce serait pas le moment où on parlerait un peu fionfion? Si. Ah. Ouais. Est-ce qu'on est content dans l'équipe? Ah, ouais, voilà. J'adore le cul. On vous... Merci, Enzo du Standard. On vous en parle depuis le début de l'émission. Il est arrivé un truc à Jacques qu'on a tous pas envie de vivre, en fait, dans notre vie. Ah non. Bonsoir, Jacques. Salut, Marion. Salut, Enzo. Salut, toute l'équipe. Salut. Ça va, Bichon? Ouais, ça va, et vous? Ouais, très bien. Déjà, est-ce que ça se passe bien avec ce prénom? Est-ce que tu t'en sors? Ouais, vite fait. Ouais, je comprends. Tu te fais charrier un peu? Oui, beaucoup. Bon, et tu sais que c'est original, les vieux prénoms reviennent à la mode. Complètement. C'est horrible. Oui, mais sois fière de t'appeler Jacques. Voilà. Non, et franchement, moi je te dis, Jacques, entre nous, j'ai une copine de copine qui a appelé son enfant Barnabé. Oh là, c'est dur. Hein. J'espère qu'elle écoute pas parce que je vais me faire défoncer, mais Barnabé, c'est difficile. Chacun ses goûts, Enzo. Bon, dis-nous, Bichon, t'as 14 ans, qu'est-ce qui t'est arrivé? La semaine dernière, j'étais chez moi, il faisait nuit, et j'ai entendu du bruit, donc du coup, je me suis levée, ce que j'avais fait, en fait, et la porte de la chambre de mes parents était ouverte, et je les ai vus en train de faire l'amour. Bah oui, ça arrive en même temps, hein. Tes parents ont une sexualité, Bichon, mais c'est vrai que c'est toujours choquant de le voir. Ouais, mais ça m'a choquée, en fait. Mais dans ces cas-là, quand t'as des enfants, j'en sais rien, mais... Tu te doutes bien que... Enfin, déjà, moi, Jacques, ça m'est jamais arrivé de me lever la nuit pour manger, déjà. Oh si, moi aussi. Mais quand t'as des enfants et que tu te dis, bah, potentiellement, ils peuvent se lever, au moins faire pipi, boire de l'eau, aller manger et tout, tu fermes la porte de ta chambre, non? Bah ouais, peut-être qu'ils ont oublié, j'en sais rien, moi. Est-ce que t'as vu des détails ou... Oui. Quels sont-ils? Bah, ma mère bougeait sur mon père. Ah oui, d'accord. Là, quand tu vois ça, là, ça traumatise. Tout en Amazon, quoi. Ah ouais, non, c'est dur. Moi, c'est dur. Moi, je comprends parce que moi, je vais te dire, je n'ai jamais vu mes parents faire l'amour. Pour moi, ils n'ont pas de sexualité, c'est pas possible. J'ai juste vu mon père tout nu et c'est déjà pas mal. C'était déjà trop. Mais quand tu dis pas mal, tu parles de la taille. Arrête, c'est malsaine. Attends, tu me chauffes sans mes parents, je peux te chauffer sur les tiens. Non, mais c'est vrai que déjà ça, j'étais pas forcément à l'aise d'avoir ça. Mais alors, si j'avais vu plus. Oh. Mais alors, du coup, Jacques, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu leur en as parlé de le lendemain ou pas? Non, je leur ai pas parlé du tout et eux, je sais pas, je pense pas qu'ils m'ont vu parce qu'ils m'en ont pas parlé non plus, en fait. Bon, après, Bichon, faut te dire que tes parents, ils s'éclatent, voilà, ils sont amoureux, au moins ils sont heureux entre eux, ils vont pas voir ailleurs, tu vois. Ouais, c'est clair. Faut relativiser, c'est pas non plus très grave ce que t'as vu, hein. Ouais, je pense qu'il faut plutôt en rire qu'autre chose. T'as des frères et sœurs? Non. Ah, bon, ah, tu peux pas en parler avec eux, en plus, c'est con. Bah ouais, tu peux le dire à des cousins, peut-être? Bah, ou à ton autre famille qui n'est autre que le Night Show. Ah bah ouais, ce que tu as très bien fait. Non mais honnêtement, il faut pas te prendre la tête pour ça. Voilà, ils ont pas fait exprès tes parents. Hein. Ils voulaient pas te traumatiser, donc voilà, laisse-les s'éclater. Tant mieux pour eux. Et toi, essaie d'oublier un petit peu les fesses de maman. Hein. Ouais. Non mais j'imagine très bien ce que ça doit faire à 14 ans de voir ça. À mon avis, t'as des images qui te reviennent la nuit. Donc essaye de pas y penser. Mais pense aux Pokémon, pense à des trucs sympas de ton âge. Mais non, mais surtout, je pense qu'il avait pas du tout envie d'entendre oublie les fesses de maman. J'en sais rien. Moi, je sais pas. Est-ce que tu vois des images quand tu te couches comme ça? Est-ce que ça te perturbe ou pas? Oui, des fois, oui. Ah oui, tu vois. Non mais Jacques, dédramatise. Faut que tu prennes ça à la rigolade. Dis-toi que c'est cool. Et que, en vrai, moi je serais contente de savoir. Oh non, bon, moi mes parents sont vieux, mais je serais plutôt contente de savoir qu'ils sont heureux. Mais sexuellement, t'es contente de le savoir, mais t'es pas contente de le voir. Évidemment, hein, voilà. Ça, on en est tous, tout un chacun, on en est là. Bah voilà. Mais voilà. Mais bon bah Jacques, oublie les fesses de maman. Cela dit, garde ça en cartouche, parce que si un jour eux ils te surprennent, tu pourras leur dire bah j'ai pris exemple sur vous. Ce jour-là, je vous avais vu et tout ça, quoi. Ils sont mal. Mais je pense que ça va être encore pire, te faire surprendre par tes parents. Ah, bah mais ça doit être et ça arrive. Hein. D'ailleurs, appelez-nous, là, si ça vous est arrivé de vous faire surprendre par vos parents ou si vous avez vu vos parents ou un membre de la famille, comme ça. 01 42 48 5000. Déjà, on aime bien se confier. Et en plus, ça va rassurer Jacques. Il va se dire, je suis pas le seul. Ouais, voilà. Carrément. Jacques, on t'embrasse. Oui. Ok, gros bisous. Bisous, poteau. Dans l'équipe, est-ce qu'on a surpris quelqu'un de sa famille faire l'amour ou pas? Oui. Famille, non, mais j'ai un dos. D'accord, oula. Un dos. Enzo, oui? Ouais, j'ai déjà vu mes parents dans le lit, ouais. D'accord, Thibault Larrea. Ouais, pareil. D'accord, Yannick Ostenda. Ouais, ma mère. Ok, c'est quoi ces familles de chaudasse? C'est pas possible. Bon bah bougez pas, on a des histoires dans un instant. Hein. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Est-ce que vous pensez que je suis un psychopathe? Oui. Ça dépend. Est-ce qu'on peut se parler franchement? Il y a une étude dans le journal ce matin qui révèle que 21% des patrons montrent des signes caractéristiques De la psychopathie. Ah. T'as déjà été psychopathe en patron, toi ? Non, moi jamais. Honnêtement, je suis tombé que sur des patrons super, mais le plus super des super, c'est toi. Non. Tu dis ça parce qu'il te paye, vacher. Ouais. D'accord. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première avec les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. Fun Radio. Why don't you give me your love? Le son dance floor. Night Show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The Night Show sur Fun Radio. On parle cul parce que Jacques nous a appelé au standard. Il a 14 ans et Jacques, bah, il a été un peu choqué puisqu'il a vu papa et maman faire l'amour ensemble. Du coup, ça nous a donné l'idée de parler de ce sujet. Est-ce que vous avez déjà surpris un membre de votre famille en train de faire la chose? Appelez-nous, même en anonyme, on se confie, il y a pas de souci. Alors mais du coup, Amir des réseaux sociaux nous disait qu'il y avait une histoire. Alors c'est quoi ton histoire à toi ? Un jour, je dormais en fait. Il y avait une soirée, puis je me suis endormi dans le salon. Mmh. Vu que je suis un mec qui boit pas, bah du coup, je me suis endormi super tôt. Ouais. Et en fait, à un moment donné, il y avait de la lumière dans le salon et j'entendais des bruits. Et on avait mis un manteau sur moi. Sauf que j'entendais des bruits très bizarres. Alors du coup, par la manche, je sais pas si vous avez déjà fait ça, et ben j'ai vu ce qui se passait. Et j'avais mon pote qui était en train de se faire Ah bah, il y a une fille qui s'amusait avec, avec son jouet, quoi, sur lui. Mais c'est quoi cette expression de ringard? Ouais, une fille qui s'amusait avec son jouet. Explique-nous, je veux dire, ils étaient en train de faire l'amour ou elle était en train de lui faire une fellation? Une fellation. D'accord. N'aie pas peur des mots. Et moi, je regardais. Je regardais par le petit trou de la manche. Et comment t'as réagi alors? Eh ben j'ai fait des snaps, voilà. Oh, non, arrête, truc horrible. C'est pas du mytho, j'ai fait des snaps. Ouais, t'as pas publié ça quand même? Bah si. Mais non, arrête. Mais c'était à l'époque, je travaillais pas du tout en média, j'avais 4 vues. D'accord. Et à cette époque, il n'y avait pas Snap, mais enfin bon, je pense que ça nous enfumait, que c'était l'année dernière. Ouais, moi aussi, je suis sûre qu'ils nous enfument. Non, c'était pas du tout l'année dernière, je vais vous donner la date, c'était en 2013. Donc si Snap ça existait. D'accord. Oh, t'étais pas si jeune que ça. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait être jeune? C'est pas possible. Si t'as dit putain, j'étais jeune. J'étais jeune et t'as dit elle s'amusait avec son jouet. Ça plus jamais. Ça, je te le dis. Et on cesse aussi de regarder par les trous des manches. Voilà. Personne ne fait ça parce que j'aime bien le. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bah non. Enzo, tu veux pas me remplacer dans l'émission, j'en ai marre. Pas de souci. Alors en direct sur les réseaux sociaux, il y a Thibaut26 qui dit la blague d'Amir c'était de la merde. Arrête. Dis-nous toi Enzo, c'est quoi ton histoire? T'as vu tes parents aussi? Ouais, j'ai déjà vu mes parents dans leur lit, ouais. Et alors, ils faisaient quoi? Bah, ils étaient en train de dormir, simplement. Oh là là! Ils dormaient. Non, mais c'est vrai? Non, ouais, non, ils dormaient. Non, j'ai jamais vu réellement mes parents faire l'amour, mais j'ai déjà entendu des petits bruits. Ah, ils font du sale, ton père, il a des démons. Arrête! Les gars, on se dit un truc. Ah, non! Non, les gars, on est sur un truc touchy là. Donc, ouais, on arrête de vanner nos parents là, s'il vous plaît. On va donner la parole à Yannick du Standard qui a une histoire avec sa mère. Et je voudrais, Enzo, Amir, on ne vanne pas. Non. On respecte la maman d'Yannick. D'accord, Enzo, lève ta main droite. Lève ma main droite et je vais pas te vanner. D'accord, c'est bien. Vas-y. Eh ben en fait, ma mère, elle m'a dit reste devant la télé, je te mets un film. Elle met un DVD, donc c'était Star Trek. Ouais. Sauf que le DVD bug, j'étais tout petit. Je vais dans la chambre, je fais ouais, maman, il y a un problème avec le DVD. Elle était en train d'être en position de levrette. Ouais. Oh là là là là là. Ah non, mais je vous jure que c'est vrai en plus et c'était dégueulasse. D'ailleurs, c'était mon idée de regarder Star Trek. Hein. Mais c'est horrible. Franchement, voir sa maman en levrette, mon gars, mais je sais pas comment tu t'es remis de ça. Eh ben non, mais je me suis pas remis. Oh là là. Ma mère qui crie et tout, on en a. Oh là là. Non, mais t'as vu parce qu'elle m'a vu, hein, attention. T'as vu ça? Oui. Oui, non, je vous jure que j'ai vu ça, j'étais choqué. Et le lendemain, ma mère. Attends, parce qu'elle t'a vu le voir. La voir. Mais oui. Ah bah ouais. Et vous en parlez encore aujourd'hui? Ah non, on en parle plus, mais on. On sait qu'on... Mais ça peut troubler une adolescence. Hein. Ah ouais, ça peut être chelou, non mais sérieux. Ah si, tu peux grandir bizarrement. Et... La preuve, il a grandi bizarrement. Regarde, le gars a des phobies de tout. Ça tout s'explique. D'accord. Et donc Thibaut, toi t'avais une histoire ou pas? Ouais, bah en fait moi je les ai jamais vus, mais pareil, je les ai déjà entendus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toqué à la porte parce que j'étais super inquiet, j'entendais des bruits et tout ça. Et du coup, je comprenais pas ce qui se passait, puis bah, ils m'ont expliqué quoi. Voilà. Mais du coup, t'as vu quoi? Rien? Ah bah si. Mon père, ma mère, mes frères, oh là là, la vanne de Teco, ça. Eh, Lino, il nous fait des vannes, hein. La vanne de technicien avec du son et tout le temps. Hein. Du son, moderne le son en plus. Hein. Bravo, mon pote. Il s'est dit, je vais leur mettre un son, je vais les bluffer. Là, je pensais que j'avais fait mouche. Bon, bah tant pis. Non, c'est pas grave en tout On cas. On a Marina Saint-Lys qui nous a appelé. Bonsoir, Marina. Bonsoir, Marion Yanto. Salut l'équipe. Ça va, Marina? Ça va super, merci. Bon, raconte-nous, est-ce que tu as vécu une histoire dans le genre, toi? Alors, ouais, en sens inversé. C'est-à-dire que moi, je suis une maman, j'ai 42 ans. Et en début d'année, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée du boulot. Je suis vendeuse en prêt-à-porter, donc j'ai à peu près une heure de battement. Ouais. Donc, je suis rentrée à mon appart, j'ai un fils unique. Et machinalement, enfin, j'entends un bruit. Qu'est-ce que je fais? Tout connement, je rentre donc dans la chambre. Et là... mon fils et sa copine qui étaient en train de ken, comme disent les Jones, je crois. Et voilà, donc c'était assez perturbant aussi, ouais. Il a quel âge ton fils? Il avait 16 ans et demi en début d'année, il a 17 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Et comment on réagit du coup quand on grille son enfant? Ah mais là, j'ai ouvert la porte machinalement parce que j'ai entendu des bruits, donc je me suis inquiétée. Enfin, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'y suis allée d'un coup comme ça. J'ai vu ce que voilà et j'ai vite refermé la porte. Je suis allée m'enfermer dans ma chambre. Je crois qu'une demi-heure après, ou allez 20 minutes, une demi-heure après, eux deux, je les ai entendus sortir. Et voilà. Et j'ai mangé seule. Lui est rentré un peu plus tard. Et le lendemain, on en a rediscuté. Enfin, je suis allée vers lui. J'ai dit, je suis vraiment désolée. Ah oui. Non, c'est pas grave, maman. Et voilà quoi. Ah ouais, d'accord, tu t'es excusée, mais ok. Et t'as pas été tentée de lui poser des questions, genre est-ce que tu t'es protégée, tout ça, non tu... Oh non, parce que ça fait déjà un an que j'en parle avec lui et je suis sûre qu'il se protège. D'accord. Mais bon, d'en parler et de voir, c'est violent. Ah oui, bah, c'est le choc. Alors heureusement pour moi, l'image que j'ai, c'est plutôt les fesses de sa copine, parce que j'ai vu les fesses de sa copine, qui était certainement en train de lui faire, comme vous disiez à l'instant, une petite ou une grosse fellation, ça j'en sais rien. Mais du coup, moi voilà, j'ai l'image des fesses de sa copine... Franchement, ça sert. Ouais, tu m'étonnes. Bon, voilà. Bon, Marina, tu vas t'en remettre. Maman cool, en tout cas, c'est cool. Ouais, mais bon, voilà. On t'embrasse, Marina. Un bisou, bye bye, les filles. Salut, bisous. Il y a Gaspard aussi qui est à Marseille. Bonsoir, Gaspard. Salut, toute l'équipe. Ça va, Gaspard? Ça va super, super, et vous? Bah, très bien, raconte-nous, est-ce que tu as grillé quelqu'un, toi? Bah, moi j'ai une petite histoire avec mes parents, en fait. Le problème, c'est que la salle de bain, leur salle de bain, eux, était en travaux, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, ils étaient dans la salle de bain, bah, ils utilisaient la salle de bain commune à toute la maison, quoi. D'accord. Et un jour, je rentre dans la douche complètement banalement, enfin, dans la salle de bain, et je vois des ongles sur le mur de la douche qui étaient. Bah, c'était eux en train de copuler, quoi, clairement. Du coup, je rebrousse main et. Un peu gêné, je repasse la porte, je referme la porte, ouais. Je reste devant pour bien être sûr de mon idée, mais ouais, un petit peu gêné, quoi. D'accord. Et t'as fait quoi alors? T'en as parlé? T'en as pas parlé? Bah, sur le coup, j'avais un peu peur de leur en parler, de me dire ouais, c'est pas à moi de leur en parler, quoi. Enfin, ils sont grands, ils savent ce qu'ils font et puis ils débrouillent, quoi. D'accord. Donc ça j'avais juste envie de leur dire bah essayer d'être plus discret, quoi, et puis pas faire ça dans la douche commune, quoi. Ça t'a pas perturbé plus que ça? Bah, ça m'a marqué un peu de me dire que mon petit frère aurait pu voir ça, moi non, mais mon petit frère, ouais. Ça aurait pu être moins cool, quoi. Bon, et c'est pas le cas, il y a que toi qui l'as vu, donc tant mieux, tout s'est bien fini. Ouais, heureusement. Merci Gaspard de nous avoir appelé, t'es un beurre. Merci à vous, bonne bisous, soirée. Bisous mon Gaspard, bisous, salut. Au revoir Marseille. Il y a Alexandra aussi qui est avec nous, et on l'a pas vu venir, je vais te dire. Bonsoir Alex. Bonsoir les filles, bonsoir l'équipe. Salut. Ça va? Ça va et vous? Bah ouais, très bien. Raconte-nous, qui est-ce que tu as vu, toi? Moi, en fait, j'ai vu personne. C'est mon fils, quand il avait à peu près 3-4 ans, qui est en pleine nuit, qui s'est réveillé. Et bah, j'ai fait un peu de bruit. Et puis, derrière la porte, c'était « Bah maman, pourquoi tu chouines ?» Oh là là là là, c'est horrible. Et qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là? Bah, papa, il m'a fait mal. Ah bah. On jouait avec papa et papa m'a fait mal. Ah ouais, et c'est passé ça, il t'a cru? Bah, il était tout petit, donc ouais. Bah, c'est passé. Si tu veux dire à un enfant quand tu t'entends des bruits comme ça? Bah, on s'amuse ensemble. Bah, sais pas, c'est parce ça, que... ouais. Du coup, après, il va revenir à son père, quoi. Ouais, ça sent plus le procès, ça, Alexandra. Hein. Et il a quel âge aujourd'hui, ton fils? Il va avoir 12 ans au mois de décembre, là. D'accord. Est-ce que tu penses qu'un jour, quand il sera grand, tu vas lui raconter ou pas? Ben non. Bah pourquoi? Peut-être, pourquoi pas. Parce que je pense qu'il l'a complètement occulté et que de lui dire, ah bah tu te souviens quand je t'ai dit que papa faisait mal à maman, bah c'est qu'en fait maman elle se faisait défoncer. Bah c'est marrant, t'as dit ça, mais c'est pas ça, quoi. Ouais, pourquoi pas. Ça crée du souvenir. Ouais. Bon, oui, bah, voilà. Écoute, Alex, merci de nous avoir raconté ton histoire. On est discrète la prochaine fois, d'accord? Ok, ça marche, ouais. Allez, on t'embrasse. En général, soit on fait ça pendant l'école, soit la nuit, mais bon, là, il s'était réveillé. Bon, manque de bol pour nous. Pendant l'école, bonne stratégie, Alex, on prend. Oui, bah oui, hein. Bisous, Alex, on t'embrasse. Bisous, bonne soirée. Au revoir, bisous. Bon, on va se vous laisser, là, les amis. Il y a Party Fun qui débarque. Avec qui ce soir, Anso? Eh bien, c'est un DJ qui s'appelle Turtle. Turtle, d'accord, sympa, ouais. Comme nom, ça. Eh bien, c'est très sympathique. Il sera là jusqu'à 1h du mat. Okay, il est nickel. Cool, hein. Il est cool, et ben nous on va revenir là demain en direct 22h minuit les copains, c'était un kiff cette soirée, je vous rappelle plein de trucs. Déjà les invités, demain on aura Golden Moustache, enfin McFly et Carlito qui seront avec nous. Ouais. Donc si vous avez des questions, Marion et Anne-Sor @funradio.fr. On aura mardi qui l'équipe? Soprano. Ou en pince. Même adresse mail si vous voulez lui parler, et celle qu'on aura jeudi c'est Zao. Idée. C'est chaud. C'est vrai, MHD Amir. Moi, je sais pas mal. Amir va faire un duo aujourd'hui, en fait, là. Mais non, c'était bien, Amir. Et Amir, on ne se moque pas de toi, on rit avec toi. Bien sûr, et surtout, on admire ta personnalité. Ouais. Bien. Voilà. Elle me prend pour un teubé en plus. Je vous rappelle aussi qu'on a lancé un grand concours sur Twitter. C'est pour tous les gamers et les autres d'ailleurs, hein, parce que moi ça me ferait kiffer d'avoir ça. Moi aussi. On vous offre des lots, raconte Amir, comment ça se passe? Il faut retweeter et partager la photo qu'on vous a mis sur Twitter. Il faut retweeter et follow le compte Scuff Gaming FR. Mais tout est indiqué sur la page, sur le compte Twitter Marion Yanso, et vous allez pouvoir gagner des lots Scuff. Ouais. Sachant que c'est nos partenaires aussi pour les opérations gaming, et donc il y aura plein de cadeaux à gagner avec eux. Et Scuff des gaming. Cadeaux canons en plus. Il y a notamment des manettes personnalisées, elles sont folles. Ouais. Donc allez-y, ça coûte rien, c'est gratos, on partage. Partagez, allez-y, c'est gratos, on partage. Et continuez à nous rejoindre sur tous les autres réseaux, Marion et Enzo. Demain, c'est Bruno qui vous réveille en direct, 6h-9h. Ne manquez pas leur émission parce que je sens qu'ils sont chauds. Ils ont passé un week-end de folie. Bouillant, bouillant. Est-ce qu'on finit en chanson, la team? Ouais. Est-ce qu'on était contents d'être là? On était contents d'être là. The beginning. Minuit. Les plus grands DJ de la planète mixent sur Fun Radio. Oliver Eldon. Hey, this is Chucky. Hardwell. Oumet Oskan. Sébastien Bennett. Hi, this is Laidback Luke. Nicky Romero. Sultan and Net Shepard. Nervo. Don Diablo. Gregory Klossman. Hey, it's Rieb. 3, 2, 1, 0. Et maintenant. Trotel. Mix dans Party Fun sur Fun Radio. Now listen. Y'all got your hoverboards and your fuzzy shoes. What the hell is a Yeezy? Yeah. We used to glide, man. You know what I'm talking about? I got my skates on, lace tight. Don't need no Benz, no motorbike. I got 8 wheels, check the heels. I'm a soul king, baby, got the pimple pin. They like, damn, that's tight. Velvet Jesus showed me the light. This gon' have it closes up around 11. Better shake your money maker, cause you know what I be talking about. Oh, you thought that we were done? Nah, I'm never. Come on, now shake. Yeah. Your money maker. I say, now shake. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my feet.

Think about hate, think about getting thin. Why I'm always